Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour, bien sûr, et pourquoi pas. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel. Comment ? Oui, J'étais pas sûr. C'était ça. T'es le meilleur. Je pense que c'est toi. T'es le meilleur papa pour moi. Oui, alors attendez. Très vite fait, expliquer aux gens. Hors antenne, on a eu une discussion. Parce que hier, alors l'heure où l'enregistre, hier, c'était la fête des mères. Je remarquais qu'il y a eu beaucoup de posts pour les mamans. Que ce soit ta propre maman ou ta compagne qui est maman, les gens utilisent le terme bonne fête à la meilleure maman. Et j'ai trouvé ça étonnant de se dire meilleure. Pour les mamans, c'est pas une compétition. La compète des mamans qui serait un bon programme sur TF1, mais qui, dans la vraie vie, c'est dommage. Qui est la meilleure maman? Qui est la meilleure maman? Et ce serait Corinne Touzet, troisième. Seuls les vrais auront la ref. Donc, tu l'as pas? Je l'ai pas du tout. C'était une émission télé qui, je pense, a mal vieilli. Qui s'appelait Les 50 plus belles femmes de France. Ah oui, Corinne Touzet, qui avait une nouvelle série sur TF1, était troisième. Donc on sentait qu'il y avait une triche. De France ou du Monde? Je crois que c'était du Monde. Je crois que c'était qu'il y avait Angelina Jolie. Qui était Qui était présidente en France à l'époque et ça suffisait. Ouais, c'est à nous ça. Alors, comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de deux invités. Et nos deux invités cette semaine, ce sont les animateurs d'un podcast où ça cause de pop culture tous les 15 jours à peu près. Un peu comme nous, c'est un binôme de gars avec un chauve et un barbu. Un peu comme nous, il y a un gars du duo qui a un rire qui fait beaucoup de bruit. Un peu comme nous, ils parlent de plein de trucs de façon approximative. Et un peu comme nous, leurs titres d'épisodes sont souvent des jeux de mots infects sur des vedettes vite fait connues. Eh oui, c'est Médoc et Mogori. Merci. On a compris le message, on est vraiment désolé. C'est fortuit, on n'a pas fait exprès. C'est pour ça qu'on est heureux de vous recevoir. Ça fait très plaisir d'être là, merci beaucoup. J'y crois pas. En fait, jusqu'à il y a encore genre 10 minutes, je pensais que ça allait être un prank et tout, qui est très drôle. Moi, j'ai cru vraiment parce que avant d'arriver, ça puait littéralement la merde dans toute la rue. C'est vrai. Je suis arrivé, je suis rentré et ça pue à la merde. Mais il y a un camion de faux sceptiques en fait. Dans la rue. Pas dans l'appartement. Alors, non, pas dans l'appartement, pardon. Je suis rentré, dans l'immeuble. C'est deux histoires séparées. Ouais. Parce que je me suis chié dessus là, mais c'est peut-être. C'est effectivement peut-être deux odeurs différentes. Oui, c'est ça. Celle de la rue et celle de là maintenant là, dont j'aimerais qu'on fasse abstraction. Oui, par respect pour moi en fait. D'accord. J'ai 45 ans et j'aimerais bien vous y voir. Non mais ça ressemblait à un prank incroyable, c'était il y avait vraiment un camion faux sceptique et toute la rue puait, c'était infect. Non, on garde ça pour la salle Playel. Une merde sous chaque siège. Ça nous coûte un max. Mais vous pourrez ramener chez vous et ça fait quand même Léopra Winfrey français. Alors comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. Bien sûr. Évidemment. Alors, il y a une nouvelle techno. Parce que je sais qu'on est avec des gens, des fans de tech. Ah oui, de des geeks. Ouais. Des geeks, hein. On peut utiliser le terme geek. Mais d'ailleurs, tu sais pas si 3 geeks, 2 otaku. On s'est déjà croisés. Dis-moi. Dans les locaux de No Life à l'époque. Mais très rapidement. Mais j'étais passé là où il y a l'ancien loueur de. Enfin, non, toujours d'ailleurs, le loueur de DVD de Combini. C'était là où il y avait Zako. C'est la rue des Pyrénées. Je sais plus la rue de No Life. C'était vers Goncourt. Ouais. Rue des Pyrénées, ouais. On s'était croisés à l'époque, je m'en souviens très bien. On avait un peu échangé sur le 7-7, parce qu'à l'époque, je vivais encore. Oui, dans le 7-7. Mais oui, je t'ai dit que je sens. C'est vrai. C'est vrai que t'avais dit. Ouais, mais t'avais dit que. Tu pouvais deviner de quelle partie du 7-7 les gens venaient. Alors, tu crois que en tu les vois. Côtoyant, mais peut-être pas tout de suite. Oui, c'est vrai qu'on se connaît pas assez. Mais peut-être fin de l'émission, laisse-moi un petit peu interagir. Okay. Après, il n'est pas né dans le 7-7, il y a vécu brièvement. Je le sais, t'aurais pas dû me le dire, limite. J'aurais dit tout à l'heure. Brièvement, j'y ai quand même passé 4 belles années. Ah, ok, ok. Non, okay. Tout de même. Ouais. C'est quand même. Ok. Ça se sent, ça se voit. Alors, quelle nouvelle technologie YouTube est-il en train de tester en ce moment même? Il y a une nouvelle fonctionnalité, enfin, pas une fonctionnalité. Mais vraiment une technologie. C'est de l'IA, ça. Alors, c'est l'IA, évidemment. Voilà, là. C'est l'IA et compagnie. C'est pour piller Miyazaki, c'est le ça. Le pauvre, là, putain, dans sa cabane en train de dessiner. Ça a rapport. Est-ce que c'est une technologie issue de l'industrie pornographique? Souvent avec YouTube. Ouais, c'est clair. C'est vrai, parce que c'est ce truc. C'est de... vraiment les innovateurs principaux généralement. C'était genre scroller sur la timeline et tu voyais les images. L'aperçu. C'était d'abord sur les sites porno, puis sur YouTube. Et Michou aussi. Non, non, je plaisante. Oui, parce qu'il a vraiment commencé très très jeune. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Compliqué. Ouais, j'aurais dû prendre un autre blaze. J'ai merdé. Ouais, ouais, il avait 12 ans. Ouais, j'ai merdé. Ouais. J'ai merdé. C'est la fin. C'est la fin. Ouais, ouais, bah, c'est l'émission. Oui. Voilà. Tu parlais de Michou. Oui, l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. L'homme de cabaret. Ouais. Oui. Donc oui, alors c'est lié à l'IA et je sais pas si ça vient de l'industrie pornographique, pour être tout à fait. Je ne pense pas. Ah, est-ce que c'est mais après j'y connais rien, je tu choisis une langue pas. Et bam, ça le double et ça refait les mouvements de lèvres, non, et tout. Non. C'est une super proposition. Mais ouais, ça va exister, ça j'ai vu. Mais en tout cas, doubler, ouais, c'est déjà le cas, je crois. Sur y a des doublages, tout est doublé. Ouais, c'est oui, ça. Mais là, lui, c'est doublé. Par une équipe. Ah non, ouais, ça peut être par IA aussi, je crois. Ah ouais, il me semble. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que ça propose aussi des trucs tout faits qui sont d'ailleurs dégueulasses. Ah bah oui, bah c'est sûr. Ouais. Mais je crois que c'est en tout cas en travail le truc de que ça, tu changes la langue et ça change ça le truc et ouais, tout ouais, quoi. Ouais. C'est... Mais donc c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Ce n'est pas lié. D'accord. Okay. Donc c'est est-ce que c'est, rapport avec c'est un truc vraiment en rapport avec ta c'est ça impacte la manière que tu as de consommer YouTube, c'est tout vraiment en tant qu'utilisateur ou utilisatrice. Ouais. Exactement. Okay. Et l'IA en question ne remplace rien. C'est juste qu'elle calcule un truc pour c'est pour faire des meilleures recommandations par exemple ? Non. Ça c'est dommage parce que c'est plus, mais c'est un peu plus un truc qui va nous faire chier plus que nous aider. Ah, c'est vraiment un truc pour YouTube. Étonnant, pour la pub. Étonnant de la part de YouTube. Ouais. Oui, est-ce que ça a rapport effectivement avec la pub ? Ça c'est totalement lié avec la pub. D'accord. Est-ce que je vous donne en mille. Est-ce que ça va générer des pubs avec non mais là c'est trop en termes d'image c'est impossible. J'allais dire genre ils prennent MrBeast, ils génèrent une pub avec MrBeast. Ah oui, non, je pense qu'ils pourraient pas. Là. Oh, on y va tout droit. Oui. Miyazaki là. Est-ce que c'est le placement automatisé des pubs vraiment géré par Ah là t'es vraiment pas loin ce du genre tout. De on est ouais, exactement là-dedans. Est-ce que ça va mais... inclure des pubs dans les vidéos non, genre non, ça, non, de façon seamless quoi. Mais ça enfin c'est le grand truc où pour le coup le podcast on est quand même mieux que YouTube. Ouais. C'est bah, on est les meilleurs parents déjà. Non mais c'est que les pubs peuvent sauter enfin ne peuvent pas être peuvent ne pas être dans l'épisode alors qu'une vidéo oui, YouTube jusqu'à la fin des temps si elle est sponsorisée par NordVPN bah jusqu'à la fin des ouais, temps il y aura le truc si ouais, demain le patron de NordVPN envahit un pays oui, bah les vidéos de Yamixem et Fekaito tout ça il y aura NordVPN ouais, bah, alors, ouais, d'ailleurs je me permets une mini reco. Il y a une extension pour navigateur qui s'appelle Sponsor Block. Tu m'en avais je t'en parlé, avais parlé. Ouais. Et en gros, c'est tout simplement, ça saute automatiquement les trucs, les parties sponsorisées des vidéos. Ah, mais YouTube, moi, il me propose maintenant un truc qui s'appelle Passer rapidement. Oui. Il a l'air de coller au moment sponsor. Après, moi, j'ai YouTube Premium, donc peut-être qu'il le propose à YouTube Premium. Je sais pas. Mais moi, j'ai déjà eu ce truc de passer rapidement ouais, quand ça commence à parler depuis. Vu que maintenant, ils sont obligés d'écrire. Mais là, c'est automatique. Oui. Ouais, c'est Sponsor Block. Et alors, il y a aussi des zaps. Alternative de YouTube qui inclut genre pour les Android TV et tout ouais, mais bon là on est dans quelque chose peut-être trop illégal. Bon après il y a des milices privées ouais, qui peuvent en fait intervenir directement et assassiner des gens pour tout. Mais moi ma théorie c'est que NordVPN dans 5-10 ans les gens diront bah en fait c'est les VPN les VPN en général ouais. Enfin, ouais, même ouais, les ouais, youtubeurs qui mettent en avant bah par exemple tu veux regarder un film Disney bah il est dispo que aux États-Unis ouais, bah mate-le en France. Ça c'est des trucs par rapport à la chronologie média et tout, je suis pas sûr que ce ouais, soit oui oui ouais, surf enfin il ouais il flirte pardon avec la limite il de la légalité hein, mais il surfe ouais, mais pour le coup dans leur hobby ouais, ouais, ouais, plutôt les week-ends ouais. Non mais c'est pour dire que et aussi sponsor blog juste pour finir là-dessus donc ça donc déjà c'est un, moi je ne peux plus repasser maintenant à un YouTube normal parce que ouais, là le truc de fait de passer automatiquement les ah mais du coup ça va virer ce passage sponsor sur sponsor blog que t'es en malheureusement train de faire, ouais, ouais, c'est ça. Déjà je rêve que ça existe pour les podcasts déjà et non et aussi en fait dans les options tu coches parce qu'il y a différents types de contenus que tu oui, peux ouais, passer automatiquement ouais, et ils poussent le truc très loin parce qu'il y a une case genre digression. Ah ouais, une digression ah ouais, tu ouais, fais non non non ça les eaux pétillantes ou vidéos, les eaux plates s'il te plaît on ne parle pas de One Piece. Donc si tu mets ça pour une vidéo de McFly et Carlito ça part à la ouais, fin directement. Putain, ouais, c'est dingue. Non non mais voilà et c'est très voilà. Mais je ça, vous c'est recommande. C'est payant ou c'est mais c'est gratuit écoute. Mais c'est légal ça. Bah c'est légal oui, oui c'est oui, en fait c'est participatif c'est-à-dire d'accord, c'est les gens qui disent bah ah oui, de, qui renseignent les timecodes les, et ouais, ouais, dans ah, le... ah yes, pas yes, mal. Ah doit y avoir des haters ouais qui enfin c'est qui vraiment j'imagine que ça doit être modéré vidéos, j'imagine ouais, parce ouais, que sinon c'est enfin c'est comme Wikipédia j'imagine qu'il doit y avoir un semblant de modération oui, sinon j'imagine, c'est l'enfer quoi. J'imagine j'imagine. Mais bah, ça dit ouais. Vous êtes pas loin, j'ai presque envie de vous le donner parce que là. Non mais attends, on va trouver. Donc c'est une IA, c'est lié aux pubs. C'est lié aux pubs ouais. C'est juste pour mettre de la pub plus pertinente C'est pas le contenu de la pub en soi. C'est le moment où il te la son montre placement. C'est le moment, ouais, c'est l'emplacement. Mais c'est pas, attends, mais du coup, c'est parce que j'avais dit qu'il les place au meilleur moment. Alors, si, ouais, mais en fonction de quoi, c'est quoi le meilleur moment? Bah, genre, il trouve les moments, il détecte les moments dans les vidéos où ça peut être considéré comme un passage entre deux parties, même genre si c'est pas explicite. Juste avant un twist. Et ça le met là. Ah, ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Oui, en d'accord. En fait, c'est au moment où, c'est au moment où l'engagement est au maximum. Ah oui, le cerveau du spectateur est le plus à fond dans la vidéo. La première vidéo de Google vient de mettre au point une nouvelle technologie publicitaire profilée pour jouer avec les nerfs des internautes. Cette innovation baptisée PickPoints, boostée par IA Gemini, est capable de déterminer le moment où l'enjeu et le suspense de n'importe quelle vidéo est à son paroxysme. Wow, okay. C'est à cet instant précis d'engagement maximum que la publicité sera envoyée en choisissant d'envoyer la pub pile poil à ce moment crucial. La plateforme générera forcément de la frustration du côté des internautes, mais cet effet déceptif de l'expérience utilisateur pourrait bien être compensé par des recettes publicitaires gonflées par l'IA, parce que PickPoints créera de la valeur pour les annonceurs, c'est-à-dire que... Rien à voir avec PickPirate, on est d'accord. Laisse-moi vérifier, j'aimerais pas dire une bêtise. J'aimerais pas dire une bêtise, aucun rapport. Ok, d'accord. Aucun rapport. Non, mais donc oui, PickPoints créera de la valeur pour les annonceurs qui pourraient être tentés de payer plus cher pour voir leur marque exposée au moment clé d'une vidéo, c'est-à-dire que plutôt qu'au début ou à la fin, au milieu. Ouais. Genre qui est l'imposteur? Exactement. Ah là là. Mais c'est insupportable. Ouais, mais en vrai, c'est ce qu'ils faisaient déjà à la télé, en vrai. Mais oui, vraiment ça, même la télé. Dans les films, est-ce que c'était... Vas-y, pardon. Vas-y. Non, mais je t'en... Alors là, franchement... Non, mais dans les films, tu parles des films à l'époque. En vrai, les téléfilms en tout cas et les séries, j'ai l'impression que. Parce qu'il y avait. Il y avait les moments qui étaient même. C'était même écrit, genre. Il y avait une espèce de mini cliffhanger au milieu et t'avais le fondu au noir de la pub à ce moment-là, tu vois. Ah oui, chez quelqu'un. Genre Friends ou les trucs comme ça. Donc c'était déjà un peu prévu pour. Oui, c'est ça, pour les formats prévus télé à la base. Ouais, voilà. Pour les films, j'avais plus le sentiment que c'est arrivé au pif. Y compris parfois au milieu d'une phrase. Mais il y a peut-être aussi ce truc où ça va pousser les créateurs à mettre des moments suspects. Ça va influencer l'écriture. Ah oui, la télé, c'était un vrai truc que racontait J.J. Abrams sur Mission Impossible 3. C'est qu'il l'avait écrit comme 4 épisodes d'une série télé. Donc en fait, quand le film, t'as des moments où tu pourrais presque mettre une pub parce qu'il remontait le suspense toutes les 20-25 minutes. Non, pas dans un but de mettre des pubs, mais dans un but de lui, il était tellement habitué à la télé et au fait que l'histoire se relance un peu toutes les 20 minutes que dans son écriture, il n'était pas sur une structure de cinéma classique, disons. Il est nul, quoi. Franchement, pardon, est-ce qu'il a un Grand Prix de l'Alpe d'Huez, J.J. Abrams? Je crois pas. Pas l'impression. Et donc ça avait influencé, mais ce qui est le cas de beaucoup de films aujourd'hui. Ok, cette structure. Et après, ce truc-là, ça va dans le truc plus général de l'enchitification du net, quoi. Bah, c'est vraiment juste après avoir. J'aime bien interrompre quelqu'un pour lui dire attends, vas-y, pardon. Bah non, mais tu sais qu'il y a tout un truc de les plateformes et tout qui ont d'abord essayé de nous faire croire qu'elles faisaient les choses pour notre bien et bien sûr, ce soit pratique à utiliser. Ouais. Ça fait des années et des années et qu'on sait, il y a des preuves, des trucs, il y a des procès là-dessus et tout ça, qu'ils bossent à rendre l'expérience plus frustrante en fait. D'accord. Plus énervante plus et générer de trucs, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, les tensions génèrent de l'engagement. C'est aussi l'autre truc, c'est que par ailleurs, le développement de cette technologie pourrait doper les abonnements à YouTube Premium. D'accord, ok. Je vois le move en fait. Mais alors, ça veut dire que l'IA techniquement, elle a déjà le script ou elle analyse en temps réel et arrive à un moment. Ah là, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une révélation. Je pense que l'IA, elle peut. Déjà là, il y a des extensions qui existent déjà qui te font un compte rendu écrit, une retranscription écrite. Ouais. Moi, j'ai un truc, je clique et ça me fait un compte rendu par écrit de tout le contenu de la vidéo, quoi. Yes. Et du coup, en vrai, l'IA, elle peut analyser le texte et capter que à tel moment-là, là, il y a un cliffhanger, là, il y a un truc. Enfin, j'imagine que. Mais c'est analysé à la volée, quoi. Sachant que déjà, les youtubeurs pouvaient choisir quand est-ce qu'était leur pub et parfois, et je me souviens, pour le coup, McFly et Carito font ça. Là, c'est le moment où on envoie la pub. Oui. Ils avaient ce truc de jouer avec quel moment ils envoient la pub par rapport à leur vidéo, quoi. C'est quoi votre plus vieux souvenir de YouTube? En termes de vidéos. La visite au zoo, là. Oui, ce qui est la première vidéo, Il a voulu étaler sa culture. Fait le OG. Je suis un enfant du web, en fait. C'est mon moment, les enfants de la télé. C'était quand votre plus vieux souvenir d'une vidéo? Moi, j'ai un plus vieux souvenir de vidéo d'internet, mais je crois que ça prédate YouTube. Ah ok, donc, bah, vas-y, si c'est, vas-y. Wow. Alors c'est débile, c'est le singe qui se gratte le cul, douait, bah oui, bah, qui bien sniffe et qui tombe de la branche. Bien sûr. C'est l'humoriste originel. Ah oui, c'est ça, c'est lui qui a inventé. Bah, il est à l'Apollo Theater. À Paris. C'est ça. Il n'y a que des humoristes qui vont le voir. Hein. Ouais. Ouais, c'est très pointu. Ah, ouais, ouais. Mais c'est littéralement mon premier souvenir de vidéo transmis par Internet. Quoi. Ouais. C'était mon oncle qui avait envoyé ça à mon père. Je crois que je t'ai coupé la parole avant la fin, mais c'est le singe qui se met le doigt dans le cul, qui sent et qui tombe. Il tombe de la branche sur laquelle il est. Qui est une des meilleures vidéos, simplement. Bien sûr. Non, mais qu'il est. En vrai, c'est. En vrai, c'est assez fou. C'est-à-dire qu'il a quand même. Non, mais il a un sens de l'humour, quoi. Ouais, tu peux enlever cette larme qui coule de l'œil. T'as l'impression que t'es touché au plus. Il a vraiment un sens de l'humour, singe. Ouais. De sentir le truc et de faire. Ouais. Oh. Parce qu'en plus, il y a vraiment. Il tombe, il y a une gestion. Mise en scène, c'est ça. Il exagère un petit peu son truc. C'est Mr. Bean. Tout trigger. C'est pas les effluves de son fion qui le font. Je pense que c'est pas la première fois qu'il sent son trou dans le dos. Il est costaud, il a un système immunitaire. C'est vrai, le mec vit dehors littéralement. Donc c'est pas genre son cerveau blackout après avoir senti son trou de balle, son doigt. Donc c'est vraiment là la preuve d'un sens de l'humour. Pour moi, il savait qu'il était filmé. Ouais. Bien sûr, simiesque. Il l'a fait pour les caméras. Ouais, c'est ça. Si tu fais attention, tu vois un petit regard au début. Très discret. Ça tourne là, ça tourne. Oh mon dieu! Ah là, ouais, quel bonheur cette vidéo! Bah ouais. Mais donc, c'est mon premier souvenir de vidéo internet. Donc, autant vous dire que j'étais sûr que j'allais me régaler sur internet à l'époque quand j'ai vu ça. Ouais, ouais. Ah, c'est ça internet! J'arrive. Mais d'ailleurs, le deuxième souvenir, c'est un gros pornard, j'imagine. Et c'est marrant, il sent son trou de balle. À propos de trou de balle, Alors, toi, Médoc? Moi, en première vidéo. Alors, j'hésite entre Deep Throat et. non, pardon. En YouTube, je crois que ma première vidéo YouTube, c'est cette vidéo d'un artiste français qui s'appelle. Ah, dont j'ai oublié le nom. Pierrick Sorin. Non. William Sorin. Je sais pas, je tente. Garbit. Ah oui. Non. Un mec qui s'appelle André Duracell. Okay. Ah, wow. Vous en avez okay. parlé. Ouais. Et qui fait de la batterie et avec une batterie un petit peu customisée et il fait le thème de Space Harrier qui est un jeu qui était sorti arcade et sur Master System à l'époque et il fait ça avec sa batterie, c'est-à-dire que chaque fût correspond à une séquence de notes et il joue de la batterie mais en fait ça fait le thème de Space Harrier. Et j'étais, c'était un pote qui m'avait montré ça sur son micro ordinateur du coup. Donc ça date vraiment. Oui, bien sûr. Son Pecos. Et j'étais fasciné. Mais tu l'avais vu en concert après, non? C'est pas ça? Non, pas du tout. Après j'ai vu toutes les vidéos qu'il a pu faire. Mais genre beaucoup plus tard, tu m'en avais parlé dans un Cozy Corner. Bah oui, c'est parce pour ça que j'avais revu. Ah, t'avais revu des vidéos. J'étais retombé sur ça, je sais plus pour quelle raison. Incroyable. Mais il y avait beaucoup de trucs musicaux. Moi mon plus vieux souvenir, c'est ce truc de Daft Punk. Où ils écrivaient sur leurs mains. Avec les mains. Et c'était Ardor Better. Exactement. Ouais. Et après, il l'avait fait avec deux meufs et les parties et du corps. Avec le corps, avec la cuisse, le bras, machin, etc. Ça, j'avoue. Il y avait ce mec aussi qui faisait de la batterie en éditant la vidéo. Il s'était enregistré. Ah oui. Last Gretchen, je crois, il s'appelait un truc comme ça. Je crois que. Ah, parce qu'il l'avait fait aussi en faisant du beatbox. Oui, c'est ça. Ah, c'est lui, il montait, tout le monde l'avait fait à un moment aussi. Ouais, je crois même que Cyprien, alias Monsieur Dream à l'époque, faisait des trucs comme ça de temps en temps pour clasher Cortex. Pour clasher Cortex, exactement. Moi, j'avoue, il y a la pub Super Timor. Il y a ça. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. Mais attends, mais donc Super c'est une pub à la télé ça. Super Timor, le numéro 1. mémoire. C'est pas YouTube, ça c'est télé du coup. Oui, mais YouTube a eu ça, les enfants de la télé ERA. Parce que c'est une pub. Alors je sais plus de quel pays Afrique de l'Ouest et du coup nous on la voyait pas à la télé donc quand on l'a vu c'était sur YouTube quoi je sais même pas si c'était YouTube à l'époque c'était dans des trucs avant YouTube vidéo, c'était avant YouTube oui mais c'est quand t'avais des événements un peu comme ça genre Canal faisait ça beaucoup les grandes nuits des Publivores trucs comme ça il y avait des vidéos mais même Nanarland d'une certaine manière c'était un peu ces trucs là de parce que moi j'ai des souvenirs de ça aussi de trucs Philippe le sous-tu de cache tout ça les gros nanars. c'était un peu des trucs de YouTube. On ouais, entend ouais. une perceuse, je vous le dis. Mmh. Ouais, non, voilà. Aucun problème. Parce que c'est ça reste la vraie vie, c'est la bonne franquette. Hein. C'est pas de l'IAS. Hein. Ça, ils pourront pas l'inventer, l'IAS. Hein, ouais, mais oui, ouais. Les enfants de la télé, je suis d'accord avec toi. Il y avait un peu ça au début, ouais, tu vois. Même sur les Real Players et tout, je me souviens d'un site qui devait être l'équivalent de humour.net ou un truc comme ça, où moi j'avais récupéré plein de sketchs de samedi soir en direct, qui était en gros le Saturday Night Live français avec Cadet Olivier. Mmh. Et il y avait des sketchs avec Eric Ramsey, il y avait des sketchs avec Kev Adams, non? Ah non, je confonds. C'était un embryon à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais il était très rigolo. Non, il y avait le sketch avec Valérie Lemercier où il propose une partouze à des amis. Ah, et ouais, il part. Non, tu te souviens pas. Bah, c'est un sketch très drôle. Et voilà. Et donc, c'était le SNL français. Ils avaient eu Eric Ramsey, ils avaient eu Valérie Lemercier. Et Dieudonné. Non, pas Dieudonné. À l'époque, ça aurait été possible. Oui. Non, je crois pas. Je crois que ça commençait déjà un petit peu. Ouais, ouais, ah, déjà que... ouais. j'ai pas la timeline. Ça fait bientôt 20 ans. Oui, hein, c'est vrai. Et sur YouTube aujourd'hui. Je pense pas, je suis allé le voir il y a 2 ans. Je suis allé le voir il y a 2 ans. Non, je crois que tu te trompes. Il exagère grandement le. Ah, tu te trompes, je pense. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que tu as un t-shirt au-dessus, c'est le soleil. J'étais surpris. Alors, et c'est quoi votre consommation de YouTube actuelle? Ah, oh, moi, c'est un gouffre à la con. Ah, je fais partie des pires. Enfin, tu sais, des pires trucs comme ça. Je me noie dans les shorts à la con, là. Ah, les shorts. Le scroll infini et tout. Ah, ça y est. Ouais. Et j'en parlais hier. J'ai une petite passion un peu secrète, mais qui ne sera plus, là, du coup. C'est, tu sais, il y a tout un lore des trickshots sur les formats shorts. Donc des mecs au billard et des trucs comme ça, fléchettes, tous les trucs qui peuvent être agiles quoi, du trick. Et dans ces trucs là il y a toujours un moment où dans la vidéo les gars c'est un peu des randoms qui font leur truc, il y a toujours des moments où ils s'embrouillent avec les haters qui disent que c'est faux. Tu regardes les vidéos en boucle et ils font leurs petits tricks et au bout d'un moment au détour d'une vidéo il fait son petit trick, c'est fait. Et d'ailleurs, à tous les haters, déjà je vous emmerde. Et donc ça devient un truc incroyable d'un coup. Et j'aime beaucoup ça. Ah ouais, mais je comprends. Mais en même temps, c'est terrible pour les gens des trick shots que c'est tellement facile à faker. Ouais, c'est clair. Et en même temps, tellement dur à faire dans la vraie vie. Je comprends que ça rende complètement ouf, quoi. D'ailleurs, je reviens aux premières vidéos, les trick shots de basket et tout ça qui étaient en fait des pubs d'ici. Oui. Ah oui. Ça aussi, ça fait partie des premiers trucs dont je me souviens. Tu sais, ils faisaient des trucs dans des skateparks et tout. Bien sûr. Ça tournait beaucoup sur les trucs genre Coréus et tout ça à l'époque. Ah putain, ouais. Coréus. Oui, avec la pub où tu suis une voiture et il y a un truc qui hurle au premier plan, ça. Ouais, c'est vrai. Putain, à l'époque. Les salauds, ils nous ont eu. Adrien, ton YouTube? Moi, c'est beaucoup le matin au petit déjeuner, comme je l'ai déjà dit. Tu m'as dit que j'étais un bébé de faire ça, mais je vais changer ta couche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On avait dit qu'on arrêtait de parler du fait que je me suis chié dessus. C'est vrai que tu pourrais lire le dos des paquets de céréales comme un adulte. Faire le labyrinthe. Oui, voilà. Ça me rend fou parce que moi je vais pas gueuler qu'ils aient enlevé les jouets parce que je comprends l'écologie. Ouais. Les petits jeux c'était sympa. C'était un petit labyrinthe, quelque chose. Ouais, là, y a plus rien. Là, j'en ai rien à foutre de ton Nutri-Score. Oui, mets-moi un labyrinthe. Vous savez, c'est fait en France. Mets-le en bas, en petit, et laisse un jeu un peu sympa. Un labyrinthe. La Belgique, ils en ont rien à foutre d'ailleurs. Je suis allé au McDo en Belgique et les jouets du Happy Meal c'était des vrais jouets plastoc, machin et tout. Après, moi, à mon avis, une fois. Dès lors que tu vas au McDo, on peut partir du principe que tu t'en fous de l'écologie. Donc après, autant mettre des jouets. Bien sûr, je me dis. Hein. Et sur les jouets, malheureusement, je trouve qu'ils ont pas le McDo France. Ils ont pas encore trouvé le bon truc pour les enfants. J'aime bien que t'avais les yeux fermés pour dire ça, genre Bob Dylan. Non mais parce que je m'en fous, le podcast s'arrête, alors je vais faire des hot takes et qu'importe des conséquences. Ouais. Les jeux du McDo, ils ont pas encore trouvé le bon truc. Mmh. C'est encore pourri, c'est des jeux de cette famille à la con, c'est des trucs un peu pourris, trouver des jouets un peu sympas qui respectent l'écologie. Quoi. Excuse-moi, Adrien. Mais non, mais mon YouTube, il y a pas mal de trucs genre camping, trucs nature et tout, ça dépend, j'ai mes phases en fait quoi. Mmh. Mais là en ce moment, il y a pas mal de trucs genre making, les makers un peu, genre bricoler, les trucs et tout, c'est insupportable de dire makers pour parler de bricoleur. Voir où il allait, mais au final. Non, mais parce que bricoler, ça peut vouloir dire réparer des trucs, donc tu dis makers. Tu vois, c'est le terme. Je suis pas dans le making, c'est le pour DIY, ça. Le DIY, quoi. Dans ça, pas mal de trucs de tech, pas mal de trucs de jeux vidéo. Et puis sinon, les trucs. J'aime bien les formats genre. Amixem, McFly et Carlito, vraiment pur divertissement. Ouais, ouais. C'est, je peux me noyer là-dedans aussi. Le matin, là, je suis. Moi, c'est mes vidéos du matin. Ces trucs-là. Ouais. Je sais, même parfois, ça sort et je me dis. Je me la garde pour le petit déjeuner. Yes. Ouais. Moi, je suis devenu là, un peu accro. Tu parlais des shorts. Moi, c'est les compiles best-of de Twitch, un peu. Ah, ok. Là, là, tu vois, t'as proposé le rap en mur récemment. Ouais. Et bah, tu vois, là, hier, en bouffant, j'en suis enchaîné deux. Et c'était, ouais, effectivement, bah, la vidéo que t'avais conseillé, la tier list des chansons racistes. Je savais que ça te plairait. on est là, le jingle est incroyable. Ouais, fou. Non, mais tout est bien. Je vous recommande ça aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est quoi le nom? J'ai pas entendu. Le rap en mieux. Ok, d'accord. Et là, la chaîne secondaire, c'est le rab en mieux. Oui. Mais tu tapes le rap en mieux, tu tombes dessus. Et du coup, même, Et il fait une tier list des chansons les plus racistes. Mais pas que de rap, genre. D'accord. Les chansons les plus racistes de l'histoire de France, quoi. Des trucs à l'ancienne, néocolonialistes, et de même vrais fachos d'aujourd'hui, enfin voilà, il traite un peu de tout. Il y a Bézu, il y a plein de trucs, quoi. Ça va de Bézu à Cro-Blanc. Exactement. Mais il parle aussi de rap plus largement. Il fait des reviews d'albums. J'en ai regardé un. Il est très pertinent. Et puis il est marrant. Il est marrant, il est pertinent, il est vraiment. Donc voilà, moi j'aime bien les best of Twitch. Ouais, pas mal aussi. Mais je trouve ça s'inscrit un peu dans ce truc-là, de genre pur divertissement, pas si tu rates 10 minutes, enfin 5 minutes. Puis je trouve que les best of Twitch, tu peux laisser un peu en fond aussi. Ouais, il n'y a pas ça. Trop d'effets de montage qui peuvent être. C'est ça. C'est qu'il y a un côté, ça te tient compagnie, en même temps ça te divertit, mais c'est pas non plus si t'as un moment d'inattention, t'as perdu le film. Ouais, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Moi, quoi qu'il en soit, c'est un rapport vachement malbouffe à la vidéo sur YouTube en règle générale, parce que j'ai l'impression, même si, des vidéos sérieuses, j'ai l'impression de tout zapper après. Il y a tellement de trucs que je me dis que c'est pas là que je vais retenir des trucs de toute façon. Donc je préfère foutu pour foutu aller voir des trucs, comme vous dites, de pur divertissement, un peu dont je suis détaché. C'est rare les moments qui te marquent de YouTube, en fait. Enfin, c'est rare, moi, de trucs qui me. Surtout chez les gros, tu vois. Récemment, par exemple, Squeezie, c'était le truc avec Eric Ramsey qui m'avait un peu marqué. Ouais, l'imposteur. C'était pas l'imposteur, c'était derrière la porte, moi. Oui, il faisait les Dalton et tout. Mais c'est rare que. Mais donc, toi, c'est quoi ta consommation YouTube En ce moment, le truc, c'est que moi, YouTube, j'utilise beaucoup pour écouter de la musique, en fait. Ok. Ah. Donc, je mets ça à cause. Et un petit peu. Un peu. Et je fais mes tâches là-dessus. Ok. Mais le truc, c'est que. Et donc, aussi pas mal de divertissement, en particulier les trucs américains, des shows. Je sais que je me suis tapé tous les Wild and Out. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. C'est les mecs à poil? Non, c'est pas ça. Non, c'est des collectifs de oui, comédiens, comédiennes, okay. Avec un esprit, une énergie un petit peu. Noire américaine, culture noire américaine, etc. Avec parfois des impros sur, et il y a des vannes dans tous les sens. Ok, je connais pas. C'est ah, très ça a l'air sympa. Cool sur MTV, ouais, effectivement. MTV, ça vient d'MTV apparemment. Nick Cannon, c'est ça. Exactement, l'ex ou l'actuel de Mariah Carey. Je sais pas. Enfin, je sais qu'il a des enfants. Il en a 17. Wow. je sais plus, mais il en a énormément. Okay. Et c'est lui qui fait ça. Donc beaucoup de divertissement américain, anglo-saxon. Mais le truc, c'est du jeu vidéo et évidemment indé, etc. Mais le truc, c'est que, comme je l'avais dit à plusieurs reprises, comme je l'avais déjà raconté, Kevin, je me suis fait un petit peu polluer mon algorithme par des recherches un petit peu bébêtes que j'avais faites. Oui. Le ping-pong et. Je m'attendais à un truc de complotiste et tout. Non. Bah attends, il a pas pollué le ping-pong. Par le ping-pong. Non, mais c'est des filles qui jouaient au ping-pong en petite tenue et jouaient très mal. Oui. Très très mal. Et c'était hallucinant que la vidéo dure aussi longtemps. Alors qu'il n'y a pas un seul échange, il n'y a pas un seul service, vrai service. Normalement, quand tu sers, la balle est censée taper une fois dans ton terrain. Sûr. Oui, là, elles en ont rien à foutre de rien. Ça tape directement. C'est absurde. Comme c'est si le demander n'était pas l'objet premier de la vidéo. Non, parce que moi, mes enfants font. Tu vois, je suis un petit peu dans le tennis de table. D'accord, ouais. Ok. Vous avez joué un peu vos deux passions, quoi. Ouais, c'est le ping-pong, moi j'adore meuler bronze. C'est important de trouver des points de connexion. Tu sais, il a des ados, c'est le moment où. Meilleur papa pour moi. Bah oui, c'est ça. Non mais parce que oui, tu parlais de tes trucs là. Moi je vois son historique YouTube à chaque fois qu'on enregistre le Cozy Corner. Il était en train de parler de trucs. Oui, moi c'est plus divertissement, jeux vidéo. T'es un gros menteur en fait. Ce sera un bon happening ça. On regarde notre historique YouTube là maintenant. La dernière fois. Eh gars, il y a 3 jours. Il y a quelques jours. Je vais tourner Arte Jour de Play. Ouais. Juste avant le tournage, Je dis à JB Pianiste, c'est quelqu'un qui fait l'émission avec nous, un nouveau chroniqueur qui tue, hein, sa chronique. Ouais. Et qui tue, est pianiste, hein, je sais pas si. Ouais. Ouais, tout à fait. Qui s'appelle probablement Jean-Benoît ou Jean-Baptiste. Oui, ou quelque chose. J'ose pas demander, ouais. J'aime bien laisser ça comme ça. Et qui me fait. Et je lui dis, bon, tu peux bricoler un truc pour la fin de mon sketch? Et on me parle, le rédacteur en chef Pierre me parle du thème de The Office. Oh, ce serait bien que tu fasses, ouais, les dernières notes de The Office. JB, bon, je vois pas trop ce que c'est les dernières notes. Fais voir vite fait ton YouTube. Et donc je lui ai passé mon portable. Et donc il a vu cette. Ouais, bah, voilà. Ouais. Il, okay, a vu mon historique de recherche. Ouais. Et donc vous, bon, êtes les meilleurs amis du monde depuis. Ça, c'est un truc, ça te lie. Hein. Il a rien dit et tout. J'ai tu regardé lui as vite donné fait ton dans téléphone. Ses yeux. Ouais, j'ai putain, pas réfléchi. Ça, c'est un move. Ouais, mais tu sais. D'ingénu, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mais la télé, elle peut te piéger aussi là-dessus. Moi, je regarde du YouTube des fois sur ma télé. Ouais. Et récemment, ouais, ma meuf, elle voulait regarder un truc sur YouTube et il y avait une vidéo, et je dirais pas laquelle, mais de 54 minutes. Et le rouge était tout, ah, au, oui, fond. Tu vois, le rouge de qu'est-ce que t'as visualisé? Il y avait beaucoup. Il y avait énormément. Bah, après, on sait que sur YouTube, ça peut pas être un truc trop vénère, quoi. Non. Ouais, mais peut y avoir des trucs où t'as pas. Enfin, comme tu dis, tu as des trucs complotistes. Oui, il y a plein de domaines dans lesquels. Oui, c'est vrai. Non, vrai. C'est compliqué parce qu'il y a des trucs qui sont marrants en termes de choix. Je pensais qu'en termes de cul, mais en vrai, en termes de pourriture mentale, il peut y avoir des trucs vraiment vénères. Mais c'était ça, moi. Ok, d'accord. Bon, bref, mais donc je suis tombé dessus et je l'ai laissé en fond. Et en fait, ce qui est relou, c'est que vu que tout est connecté entre iPad, télé et Mac, je l'ai laissé en fond sur mon iPhone. Et en fait, sur la télé, c'est écrit pareil. Bien sûr. Donc voilà. Nouvelle question. Un couple britannique a gagné 1 000 $ de dommages et intérêts dans une affaire qui les opposait à une bande de gosses. Quel était le litige? Alors déjà, couple britannique, mais c'est en dollars. Moi déjà, je repère les trucs. C'est aux States. C'est aux États-Unis. Très fort. Alors est-ce que c'est aux États-Unis? Non, putain, t'as raison, c'est en Angleterre. C'est en Angleterre, je sais pas pourquoi c'est en dollars, parce que je suis allé piocher sur un site ricain, je pense qu'ils ont fait la conversion. Tu veux des dollars parce qu'on t'appelle Solar, j'imagine. Ah, c'est bon ça. Ça vient de bouche de là, Kevin, t'avais capté. Je préfère qu'on me surnomme le Da Vinci Claude, mais après. moi je sais, t'es classique. Bon, hein. Allez, hasta la vista. rap sur Rabbi Jacob. Là, je sais pas ce que c'est. Le vrai, j'ai pas le titre. Rabbi Mefine. Tu parles de la comédie musicale de Patrick Timsit. Oh waouh. Ça, j'avais oublié. Ah, c'est inséré. Ça fait partie des trucs. Ça, c'est dans mon algo YouTube, par exemple. Ouais. Ah, ouais, mais c'est là, qualité, il a posé ça. Sa canette de manière vraiment. Je vois tout de suite. Le retour de Bob Dylan. Parce que. Il y a un truc que j'aimerais vous dire. Non, en gros. Rabbi Muffin, c'était une chanson qu'avait composée MC Solar, puisqu'à l'époque, Patrick Timsit avait ambitionné de faire la comédie musicale Rabbi Jacob. Okay. Ce qui n'est pas. Enfin, moi, pour me déplaire déjà. Oui, je défendrai toujours Patrick Timsit là-dessus, parce qu'en vrai, c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est un film français à adapter en comédie musicale, c'est Rabbi Jacob. Il l'avait fait avec Eric Métayer, enfin, tu vois, des gens plutôt talentueux, des bons acteurs et tout. Marianne James était dedans aussi, etc. etc. Et donc, Rabbi Muffin est le seul truc qui est sorti, parce qu'en fait, je crois qu'ils ont fait quelques dates. Et que ça a été un fiasco tel, en plus les communiqués ça coûte une blinde. Ouais. Mais si vous tapez sur YouTube, il y a juste une pub TF1 genre en ce moment au théâtre, tu vois, un truc comme ça. Et c'est la comédie musicale Rabbi Jacob écrite par Patrick Timsit. Et il y a des trucs vraiment genre. Enfin, toutes les répliques du film en chanson, quoi. Genre, Salomon, vous êtes juif, mais et donc voilà, ça s'appelle Rabbi. Ouais, c'est la communauté Rabbi Jacob. Ok, de et c'est de là que ça vient de la Rabbi Muffin. Voilà, bon, un peu de culture. Bah oui, mais attends, on revient du Culture Fest. Je me permets, tu peux me passer une petite canette, s'il te plaît, de Pepsi Max. Je te remercie. Il est obligé de dire les marques, mais il me donne de l'argent. J'ai jamais dit ça. Depuis combien de temps? Depuis quoi? Deux ans. Qu'est-ce que tu as dit? Mais des millions. Qu'est-ce que tu as dit là? L'inverse. Donc oui, ce couple britannique a gagné donc 1 000 $. Ouais. Donc je sais pas combien ça fait de livres. Okay. À mon avis, une belle bibliothèque. Je déconne. Oh waouh, c'est bon ça. Je déconne. J'achète moi. On peut rire ou pas? De dommages et intérêts dans une affaire qui les opposait donc à une bande de gosses. Une bande de gosses. On sait. Ah, une bande de gosses. On sait genre c'est 5-6 gosses ou c'est beaucoup de gosses? Alors c'est beaucoup de gosses et c'est pas un groupe précis de gosses. C'est des gosses en général. Est-ce que c'est sur internet ce mais litige? Pas sur internet. C'est dans la vraie vie. In real life. Est-ce que IRL comme on dit? AFK. Yes. Est-ce que il y a une histoire de banque de sperme? Wow. Ah oui, genre il a ses enfants et on se rend compte que quelque chose. Très bonne question de Médoc, mais absolument pas. D'accord. T'as dit que c'était un couple, je sais plus. T'as un couple britannique. Ouais, c'est un couple. Ok. Est-ce que c'est une histoire de voisinage un peu? Tout à fait. Ok. Ah, tout à fait. Donc, okay. À côté d'une école ou d'un établissement? Ah, un orphelinat? Non. Si oui, j'ai envie d'entendre. Ils attaquent un orphelinat. Alors, c'est pas. Oh, mais il pleure là. Ouais, ça fait bruit. C'est pas une école. Je vais m'écouter une petite interview de Guillaume Play et il pleure. Donc, oui, c'est une. Ce n'est pas une école. Mais c'est un endroit où il y a beaucoup de gosses. Truc genre centre aéré tout ou tout à fait. Ouais, centre aéré, ok. Ah, ils en avaient marre des balles qui arrivent dans leur jardin. Très bonne réponse. Oh, wow. Pile dedans. Mais quel mal. Ah, mais on est venu pour dominer. Ah, oui. À l'instar des meilleures mamans. Bien sûr. Ah, bah là. Vous arrivez déterminé, comme disait Rof. La justice a donné raison à un couple britannique se plaignant du trop grand nombre de ballons atterrissant dans son jardin de leur résidence du Hampshire, située à proximité d'un centre aéré, pardon, et qui avait été. Qui avait attaqué le comté. La haute cour siégeant à Southampton a statué vraiment. Que le fait de frapper à plusieurs reprises des ballons de foot par-dessus la clôture d'un voisin et dans son jardin constituait une nuisance. Mohamed et Marianne Bakati, âgés de 77 et 66 ans. Ah oui. Et oui, respectivement, oui. Promoteur immobilier et directrice d'entreprise, demandaient à la justice d'interdire l'utilisation de cette aire de jeu. Bien que le juge n'ait pas accédé à leur demande, il leur a accordé $1,000 pardon, de dommages et intérêts, estimant qu'il y aurait eu une utilisation excessive de l'aire de jeu durant une période donnée. C'est, vous êtes trop dans l'aire de jeu. Ouais, ouais. C'est horrible. Un couple de gens fun. Oui, oui, c'est ça. Genre, wow. C'est si ouf, c'est que quelque part, ils leur reprochent pas de jouer, mais de jouer trop mal. Ouais. On veut bien que vous jouiez au ballon, mais jouez mieux. Mais jouez bien. Le couple affirme quand même avoir décompté 170 ballons tombés sur sa propriété sur une période de 11 mois, bien que des filets aient été installés pour réduire le nombre de ballons. Le couple assurait aussi que ce désagrément les empêchait d'utiliser la piscine de leur maison à $2 millions et qu'il avait été contraint pour les mêmes raisons d'annuler sa garden party annuelle. Non, les j'aime pas ce menteur. Attends, pardon, j'ai décroché là. Il a annulé une garden party à cause des ballons. À cause des ballons. Donc ouais. Non. Mais c'est oui, faux. Bah, oui, genre oui. Ta garden party, elle était pas à 15h quoi. Non, ouais, oui, c'est ah, Arma... ouais. Oh, c'est possible. Si, non, ouais. Remarque, si, oui, mais... Ça les empêche d'utiliser leur pistoche. Mais genre, tu l'annules pas. En plus, enfin, il a dit quoi 170 ballons en 11 mois, ça fait même pas un par jour quoi. Ah bah loin de là, ouais. Enfin non, pas loin de là, je sais pas. Ah non, oui, non, oui. Non, non, si ça fait une dizaine par mois, un truc comme ça. Ouais, donc ça c'est fait. Donc ça va, ça va en termes de licence. Oh non, imagine, il y a un ballon qui tombe. Je préfère annuler ma garden party. T'es un bébé. Le juge a une très bonne façon de le dire. Je sais pas qui est le juge, mais je l'ai un peu adoré. On s'en bat les couilles. Mais c'était Morsail, donc. Il est allé. Il a ajouté qu'il pissait sur les racistes du haut de la tour Eiffel. Non, le juge a estimé que le couple avait perdu tout recul sur la fin. Ils ont lâché la rampe. Ah, ouais. Et a dit craindre que leur exposition au bruit du centre aéré les ait amenés à s'investir excessivement dans leur propre conviction qu'ils étaient victimes d'un tort. Putain. J'aime beaucoup l'expression s'investir excessivement dans leur propre conviction. Je trouve que c'est très bonne façon de dire aux gens vous êtes des fous. Ouais, c'est ça. Mais tenez 1000 balles quand même et puis laissez-nous tranquilles. En plus, quoi. Vraiment, ouais, c'est rien quoi. 1000, c'est vraiment. Bon, allez, Mais d'où viennent les 1000 balles? C'est-à-dire que c'est les parents, les contribuables. C'est avec nos impôts en fait. C'est avec nos impôts. Oui, voilà, c'est hallucinant. Et c'est des dollars en plus, donc vraiment, je comprends rien. Il a dit tenez, c'est 1000 dollars. Donc en gros, ils ont eu 1000 dans la tête, mais en fait, en livres, c'est beaucoup moins. C'est ça. C'est vraiment pas ouf. C'est quoi les petits comportements qui peuvent vous énerver au quotidien? Adrien, t'as 25 minutes devant toi. Non, mais en plus, j'en fais la blague, mais Adrien, on en partage beaucoup. Des petits trucs qui nous énervent au quotidien. Ouais. Je sais qu'on était. Un jour, il a mis des mots sur un truc. Ah bah vas-y, parce que. Ouais. Bah moi, c'était. Alors, on en a déjà parlé ici, mais c'est les gens accoudés à la barre de métro. Non, adossé. Adossé. Enfin, ah oui, gens, oui, oui. Ah oui. Ils se posent un peu trop sur la barre de métro alors qu'on est là pour mettre la main. Oui, ou qui se tiennent avec le bras comme bien ça sûr. Collé. Oh là, et tu fais pas. Du coup, si tu colles ton corps, nous on ne peut pas tenir la barre en fait. La société se pète la gueule si on commence à faire ça. Et ce que j'avais raconté, c'est qu'une fois même, je tenais la barre et un mec s'est adossé sur ma main et du coup moi je me. Exactement. D'abord, première étape, le doigt un petit peu en mode coup de poing de récré là pour voir qu'il sente un peu et après il y a juste dès qu'il y a petit mouvement de métro, tu fais genre j'ai lâché la barre. Et c'est le one inch punch de Bruce Lee en réalité, parce que t'as pas beaucoup de distance, hop, et donc faut réussir à canaliser une puissance Bah oui, oui, maximal. Ouais, oui, bien sûr. Après, le but n'est pas de lui. Si je voulais lui briser la colonne, j'y arriverais. Oui, mais oui, le but, c'est la capacité. Je suis là, je suis là, bien ouais. sûr. Et ça avait marché quand je l'avais fait. J'avais fait paf, et le mec avait. Oh, oh. Et il s'était poussé. Il s'était excusé. Ouais. Non, non, il non. A, bah, c'était un truc non verbal, tu vois. Ah, ouais, genre, ok, ouais. ok, t'es, l'homme, t'es l'alpha supérieur. C'est ce que j'ai lu dans ses yeux, en tout cas. Dans ce wagon. T'es l'alpha supérieur qui n'ose pas dire s'il vous plaît, poussez-vous, et qui fait des petits trucs de fourbasse. Et t'es une des 50 plus belles femmes de France. Il a vu vraiment tout aussi, ouais. Tout dans la même personne. Non, ouais, ouais, c'est ça. Et aussi, je me souviens, non, dans le métro, pareil, il avait infini. Mis des mots ouais. sur un truc qu'on marchait dans la rue. Bah, dans un... Il avait les mots, c'est. Non, ça, c'est Chérif Aluna. C'est oui, oui, mais ça parle de moi. Non, ça parle pas de moi. Pardon, je me rappelle de la chanson. Attention. On marchait sur un petit trottoir. Ouais. Et Adrien se déplace sur le côté pour laisser passer la personne. Ouais. Ils sont dit, il fait non, mais j'aime bien marcher dans les flaques d'eau par terre, donc c'est très bien que je passe. Non, mais. Il aime pas qu'on dise pas merci quand on laisse passer dans les non, trottoirs. Mais, bah, sur les trottoirs, moi, c'est vrai, ça m'en fout. Déjà, non, mais moi, je sais que je suis. C'est trop et ça montre à quel point ma vie est misérable. Et c'est ma faute. Mais moi, déjà, ça m'énerve, genre dans les parcs ou sur les trottoirs et tout, les gens qui respectent pas le consensus du. Bah, si tu vas à droite, en fait, tu vois, tu te oui, mets oui, à droite ouais, bien sûr. Pour avancer. Les gens qui marchent côté gauche. Et qui était obligé de te pousser et tout, tu te dis mais marche du côté droit ouais, du trottoir. Ouais. Donc déjà ça m'énerve. Les gens qui quand il y a juste de la place pour deux personnes sur le trottoir et qui arrivent à deux côte à côte. Bien sûr. Et oui. en face de toi, et t'es obligé. Moi si j'ai pour croiser des gens, si j'ai besoin de faire juste une petite rotation d'épaule, c'est trop déjà. Ouais. Bien sûr. Ça devrait pas être. Bien sûr. Donc ça m'énerve. Donc des fois. À la manière des moules frites ou pas du tout. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour être sûr. Et c'est vrai que. Prenant de l'âge, peut-être que maintenant je me sens un petit peu plus audacieux. Des fois, je laisse traîner un peu une épaule. Ah, genre, wow. Bien sûr. Genre, je bouscule. Wow, genre, c'est voilà. ça qu'il faut faire. Et la, et la dernière fois. Tu pètes les plombs. J'ai demandé un match morning. Et il était 11h59, donc j'ai le droit. Non, et la dernière fois, et là j'étais fier de moi. Vas-y. Parce que d'habitude, je suis juste en train de ronchonner. J'ai en tabassé fait, un jeune qui m'a. Ouais. Je l'ai tabassé. Et j'ai attendu, ouais. je l'ai suivi et j'ai ouais. attendu qu'il n'y ait personne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, j'étais fier. Bah, fier. Non, c'est. Moi, ce qui m'énerve dans le métro, toujours, c'est tu rentres et les gens restent condensés dans la première moitié du métro. Ouais. Et au fond, il y a de la place. Ouais. Et parfois, même dans l'espace entre les wagons, il y a de la place, ouais. alors que tu peux même pas rentrer dans le wagon. Bien sûr. Et donc, là, il y a ça. On rentre dans le wagon et les gens, ils restent tous agglutinés. Et l'espace entre les wagons, il y a plein de place, quoi. Ouais. Et donc là. Au lieu de me coller aux gens et de ronchonner dans mon coin, j'ai dit s'il vous plaît, vous pouvez vous décaler pour qu'on puisse rentrer. Ce gars-là. Et là, je l'ai fait et j'étais fier de moi. Et vraiment, ça a marché. Ça a marché, mais clairement, les gens m'ont regardé genre va te faire foutre quoi. Ouais. Mais ils l'ont fait. Waouh. Et j'étais. T'as été un berger. un chien berger. Ouais. Un border collie. Et j'étais. Non, mais en vrai, parce que c'est vraiment sorti cri du cœur. Ouais. Vous pouvez vous décaler qu'on puisse rentrer. Ouais. Et vraiment, les gens font c'est qui ce connard. Ouais. Ouais. Wow. Mais ils l'ont fait quand même. Il est supérieur. Peut-être que t'as un pouvoir et que tu peux leur demander de faire plein de trucs. Mais en vrai, c'est le même regard que les moutons quand il y a un chien, quoi. Ils sont un peu genre, eh oh, ça va, bon, ok, je le fais, mais. Ouais. Et donc, j'étais fier de moi, quoi. Ouais. Mais je sais pas si ça se reproduira de mon vivant, cette pointe d'audace. Je crois que c'était une éclipse, hein. Je pense que j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'en ai rien à foutre et je dis, bon, allez, je le dis. C'est vieillir, ça, hein, je crois. Ouais, mais non, c'est simple. Et en vrai, il y a un côté, non, mais c'est logique, en fait. C'est vrai. S'il y a, pour moi, c'est être de gauche, pour moi. Non mais c'est si juste ça à côté se résume de toi, à ça en fait. Après tout le reste si juste à côté si de toi il y a des gens programme du nouveau Front populaire, on serait peut-être pas là. Non mais c'est vraiment se dire bah non mais là je suis bien, j'ai de la place et tout, même s'il y a 50 cm de moi tout le monde est agglutiné, bah décale-toi enfoiré quoi. Oui, bien sûr. C'est le partage de l'espace public. Oui, en fait c'est de la logique. On vit en société. Ouais. Il y a dernier petit truc qui m'énerve, c'est quand là si on part dans le métro, c'est t'attends, t'as un métro qui arrive. Donc toi t'attends. Ouais. Et donc t'attends, tu te mets vas-y, bien sur le côté et tout. Okay. Et c'est les gens ils montent dans le métro juste devant toi. Devant toi. Et les gens qui sont derrière, ils montent et tu sais ils doublent. Tu fais bah t'as pas vu que j'attendais en fait, pas genre. Ouais. Et aussi c'est lié à ça parce que je trouve ça énervant et en plus stupide. C'est les gens qui, tu sais, quand tu sais où sont les portes de métro avec les métros automatiques et tout ça, tu sais où sont les portes. Donc, t'attends sur les côtés pour laisser sortir les gens. Et eux, ils attendent. Et, non, mais il y a des gens qui attendent sur les côtés et qui, dès que le métro arrive, se mettent devant les portes. Ah, mais oui. Et ça, tu sais, je trouve ça horrible en plus d'être complètement débile. Non, ouais. Et alors, il y a ceux qui attendent en plein milieu, et il y a ceux qui. Là, c'est le pire, c'est et ceux qui rentrent, rentrent direct, ouais, bien sûr. Pendant que les gens descendent. Ouais, ouais, ouais. Ça me rend fou, ouais. Là. Et là, maintenant, j'ai le truc en plus de, avec des poussettes parfois, de, tu sais, des gens qui se décalent pas, qui voient que tu galères avec une poussette, que les portes, elles vont se fermer. C'est. Ça rend fou. Wow. Voilà. Ça et les gens qui me mettent, tu sais, qui te font mal au dos, ouais, quand t'es allongé tranquille sur ta petite barre et qui sont là avec leurs phalanges et te font chier. Alors toi, t'es pépouse, t'as juste envie de tranquille, ouais, t'es sur ton tel. T'as envie de jouer à Balatro, t'as besoin de tes deux mains, donc ouais, tu peux voilà, pas tenir la barre, quoi. C'est ça. Toi, Médoc, y a des comportements comme ça qui t'agacent un peu au quotidien? Il y a plein de trucs qui m'énervent que j'ai. J'ai déjà partagé partout. Les gens qui dégueulent sur ta rambarde de balcon, par exemple. Ah bah oui, mais tout attendez, vous teasez des choses, faudra écouter le Cozy Corner, peut-être qu'on peut... Non, ben bah, oui, alors, c'est sûr, les gens qui chient et qui vomissent partout, c'est énervant. On y reviendra. On y reviendra, ça. Mais en comportement... Ah, je suis désolé parce que j'en ai le pas... Le racisme, tu m'avais dit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout ce qui est injustice, t'avais dit. Ça, c'est vrai que ça m'indigne. mais non, récemment, j'essaye vraiment de trouver du... T'es plus pisse, quoi. Ouais, de trouver du bon chez les gens et de leur trouver des excuses. J'essaye aussi, hein. Donc là... Donc à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de pas très urbain, pas très poli, je me dis ouais non mais il doit passer, peut-être il ou elle a passé une sale journée, ou tu sais ça doit avoir des problèmes, etc. Mais attends, moi je passe que des sales journées. Mais il y a un truc moi qui m'attriste un petit peu, c'est parce que moi je suis à la banque postale, donc je vais souvent à la poste, et, ouais, et ça m'attriste aussi. Non, c'est une galère. Je me suis embrouillé avec eux avant de partir. Ah bah tu vois. Mais du coup il y a un truc assez marrant. Il y a écrit en très gros maintenant, ce sont des humains, donc on essaie d'être gentil. C'est vrai. Et ça rend un peu triste. Tu dis bon maintenant faut carrément mettre des écriteaux pour dire. Calmos. Mais il y avait ça dans le bus à une époque. Il y avait des campagnes d'affichage genre les conducteurs pas besoin de les insulter et tout comme ça. Et moi je trouve ça hilarant, pardon, parce que de se dire que le type de personne qui insulte un chauffeur est sur le point de l'insulter, il voit l'affiche, il fait ouh merde. Pardon, je savais pas que c'était interdit. Pardon. Gros zozo, je peux le dire ou pas? Non, c'est une insulte. Pardon monsieur. Bah voilà, 100 balles en fait. Genre j'allais l'insulter mais non, c'est proscrit. Je peux peut-être raconter cette anecdote. J'hésitais à la raconter parce que ça fait quand même de moi un peu un vieux gars, mais bon, vu que c'est la fin de toute façon du podcast, autant y aller. Non mais je l'avais partagé en story à mes proches, j'ai pris le train récemment pour je suis allé en Belgique avec ma fille, on est parti en vacances. Et en gros, il y a eu un problème avec la SNCF où ça arrive souvent, il devait y avoir un double train. Et c'était un simple train, donc un train est supprimé. Yes. Donc tu reçois un texto 3 jours avant et il faut remettre des places et tout. Sauf que il y a plein de gens qui ont pas le réflexe, qui ont peut-être pas reçu le texto et tout. Et donc c'est un peu le bordel quand on arrive. Moi j'ai fait les trucs, donc j'ai ma place, tout va bien. Et je vois une vieille qui est avec son petit-fils et je vois qu'elle est en galère, elle a une béquille, elle est chargée lourd le diable et elle cause avec le gars, pas le contrôleur, mais l'agent de. Le gars avec un petit gilet qui déjà vient de se taper 15 personnes qui font mais on comprend pas, on doit s'asseoir où. La tension est au max dans le Thalys. Excellent film. C'est pour ça qu'on arrête le podcast. On fait ça avec Adrien, on se bosse sur ce film. Tension max dans le Thalys. Et donc cette vieille cherche une place et tout, et donc un monsieur lui dit bah écoutez, là vous pouvez vous mettre là avec votre petit-fils sur les genoux, parce que on n'a pas encore, la dame qui est censée être à cette place là n'a pas composté son billet, enfin n'est pas encore passée au truc, donc normalement elle est pas là, mais bon restez aux aguets parce que peut-être machin. Et c'est une galère, le petit il est vraiment pas chiant, moi je vois des enfants chiants des fois dans le train, il est pas chiant, juste c'est un enfant de 5 ans quoi, donc effectivement il parle un peu fort, il fait pas très attention, mais très vite elle lui faut un iPad, un casque pour le calmer, vraiment. On est des relous, je sais quand des gens sont chiants, elle est pas chiante cette dame, mais elle est un peu en galère. Et donc elle s'assoit et il y a une meuf à côté, la cinquantaine je dirais. Et je la vois, elle fait des bon. La béquille tombe une fois sur elle, une fois Elle met un coup dans la béquille en disant oh, on peut faire attention là. Et donc là, oh les gens, je n'écoute que mon courage et je ne lui dis rien. Mais je vais voir la vieille dame en lui disant écoutez, venez, je vais prendre vos sacs et tout ce que je l'avais en galère, on va les mettre là. Et moi j'ai vu que j'étais à côté de ma fille qui a 3 ans, on peut mettre des sacs sous elle, on peut mettre la béquille entre nous, enfin franchement tout va bien, nous on peut prendre des affaires et tout, etc. Et ma fille ne comprend pas ce qui se passe, tu vois. Donc elle dit pourquoi on fait ça, et je dis bah on essaye d'être gentil avec la dame parce qu'elle est un peu en galère, etc. Ouais, non, mais attends, voilà. Parce qu'il a dit ça me fait passer pour un vieux gars, donc alors j'attends. Là pour l'instant tu te la racontes juste. J'attends. Et donc cette dame à côté, je la vois un peu énervée. Ouais. Et là où je suis un vieux gars, je lis les textos qu'elle envoie à quelqu'un parce que je sais pas, j'ai un sixième sens, je sens qu'elle parle de moi. Elle parle de moi. Ouais. Mais non, mais tu m'as jamais raconté ça. Je l'avais mis en story à mes proches, je te l'ai jamais raconté. Ouais, mais je vais plus. Ouais. Alors, donc elle envoie d'abord à son à son gars. Donc ça, c'est le message qu'elle a déjà envoyé. Ouais. Il y a Bob Dylan qui. Ah cool, la vieille bouge car elle a pas de place avec son bâtard. Non. Incroyable, 3 points d'exclamation. C'est une femme maintenant à côté de moi, c'est tout de suite mieux parce que du coup la dame a eu oui, j'ai raconté dans les ordres, ouais, je suis une merde. Ouais. Mais en gros la dame qui avait la place est arrivée. Donc oui, la dame n'avait plus de place. Ouais. Donc je l'ai aidé avec à son bâtard. Avec son bâtard. Mais d'accord. Attends, mais c'est une merde, j'ai oublié le nom. Game of Thrones, ou... Oui, putain, oui, mais ouais, j'allais dire ça. C'est ça. Je cherchais le nom des méchants. Targaryen ? Non, je sais plus. Non, ouais. Bon, et donc c'est les méchants, ceux qui baisent ensemble entre frères et sœurs là. Les Lannister. Oui, merci. Et donc j'ai aidé la dame, etc. Et j'ai expliqué à ma fille, bah oui, faut aider les gens, faut être gentil, etc., etc. Un peu fort pour que l'autre entende, j'imagine. Franchement, non. Mais elle a entendu. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a donc ce premier message, et ensuite elle envoie à J'espère son pote. J'espère qu'elle parle de, elle dit que t'as un gros nez ou un truc comme Écoute-moi ça. Écoute-moi bien. Oh là là, le susboule en chef. J'ai un champion du monde derrière moi. Autre catégorie. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que les gens aident pas la dame. Et alors après j'ai pas plus parce que j'ai pris en photo sur le moment, tu vois, donc j'ai pas plus. Qui parle comme ça dans la vie ? Ouais, c'est fou. Attention, l'histoire pourrait s'arrêter là. Elle est bien. Vas-y. Mais elle s'est dit que cette anecdote était si bonne qu'elle l'a envoyée à un autre contact. Je vais changer les noms au cas où. Disons Pascal entre parenthèses pro. Et elle envoie. Et ben voilà, j'ai envoyé chier la vieille à côté et son petit-fils qui s'était assise et c'était pas sa place. Et derrière moi, il y a un espèce de peincu qui parle non-stop à son fils. Ça doit être un prof de mes deux. Ah oui, bon. Peu de doute sur qui est, pour quelle oui, boîte. Bah oui, oui. Et qui a dit à son fils que la dame, donc moi, elle était pas gentille. Je n'ai jamais dit ça. Ouais, mais ouais, elle était pas tu bien. Tu l'as sous-entendu quand même. Ouais. Elle l'a senti comme ça. Ouais, ouais. Lui, je me le fais avant l'arrivée. Wow. Donc là, moi, j'étais chaud. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Parce que je pouvais pas aller la voir parce que je lisais ses textos. Oui. Et donc c'est en ça où je suis un vieux. Tu les lisais ouais. Et tu les prenais en photo. Pour les copains. Ouais. Donc c'est en ça où je suis un vieux gars. Non, mais, ouais, mais attends, mais c'est. Et elle n'est jamais venue me voir. Ouais. Voilà, oh là, c'est fou parce que même dans le vocabulaire, les phrases et tout ça des textos, c'est dingue. On dirait un truc extrêmement vieux. Enfin, tu sais. Ah, c'est une vraie méchante. Ouais, plus, ouais, c'est ça. Vrai. Parce que vraiment, quand elle a balancé la béquille à la gueule d'un gamin et d'une vieille, c'est déjà dingue. Comme et que la vieille était d'une gentillesse, pas la vieille relou. Vraiment, elle s'excusait tout le temps et tout. C'est Cruella, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, ça me fait du bien parce que bon. Là, je venais de faire la liste des gens qui m'incommodaient et tout. Mmh. Je me suis dit, je me sentais comme une merde. Et en fait, je suis génial. Pas y a des gens comme ça qui existent, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est clair. Parce que moi, quand même, je râle, mais quand même, j'essaye d'aider les gens et tout. Enfin, bien tu vois, sûr, je porte les poussettes dans les escaliers et tout, tu vois. Non, genre, mais t'inquiète, c'est elle, super. Hein, non, mais. Non, mais là, elle a vraiment du vinaigre clair, dans les veines, ouais, quoi. Elle était énervée. Mais peut-être qu'elle passait une sale journée. Non, mais une sale vie, je pense. Non, mais. Bon, peut-être non. Elle, honnêtement, j'aurais mis une petite balayette. J'aurais tiré les cheveux. Mais c'est vrai que. Juste doucement, oui, voilà. Pour avoir le petit, le petit mouvement. Après, tu regardes Normalus autre part, tu vois. Oh, le pain cul vient de me tirer les cheveux. Sûrement un prof de mes deux. Un prof de mes deux. Mais après, c'est vrai que les transports en particulier, ça génère des tensions, des frictions et tout. Je vais pas défendre cette femme, mais c'est pour ça que j'expliquais qu'il y avait eu un bordel avec la SNCF bien et sûr. Que l'ambiance déjà dans le wagon était tendue. Moi, ça me fait l'effet inverse. C'est-à-dire que quand il y a une ambiance tendue de tout le monde, j'ai un peu envie d'être le gars qui tout va bien. Alors que quand tout va bien, par contre, je peux monter en l'air pour le moindre truc. Non, mais c'est vrai. Faut pas le croiser en première classe. Exactement. Non mais les avions par exemple, ça, ah bah, ouais ça, non, j'ai eu des trucs moi quand j'ai pris l'avion avec des gens qui mettaient leur yep littéralement des gens derrière moi. Et d'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé, je sais pas si vous avez suivi avec Brigitte Macron et Macron, je pense que c'est ce qui s'est passé. Non, j'ai pas suivi. Ah, vous avez pas vu ça? Non, non. Il s'est battu. Waouh, c'est très récent, ça date de ce matin là. Ah, vous il avez a pris pas vu ça? Bah non, non. Alors, il y a votre président de la... notre président de la République. Enfin, le tien, évidemment, pas que t'as voté. Mais... moi, c'est pas mon président, mais t'inquiète. Il y a le président de la République française qui s'est pris une droite. Qui s'est pris une qui s'est fait agripper, mais c'est pour moi c'est une droite, ça ressemblait à une droite, par sa femme, par Jean-Luc Delarue, parce que c'est vraiment les histoires d'avion, c'est les histoires d'avion. Et Joe Star. Et Joe Star, c'est ça. Et il y avait un singe. Non, au sortir de l'avion, en arrivant à Hanoï, mais vous avez pas vu ça? Mais non, non, mais gars, c'est moi dingue. Mais sa femme, donc là. Ouais, elle lui a mis une teutarde et puis lui, il fait une esquive, tu sais, en mode Doumbé. Tu vois ce que je... Hop, hop. Et là, la porte s'ouvre et il se rend compte qu'il y avait les médias. Oh. Et donc, il tourne sa tête, il fait genre. Hello. Oh là là. Il y a un document vidéo de ça? Oui, oh, bien sûr. Oh là là, et bon au bah... sortir d'avion. Et je pense que c'est parce que pendant tout le vol, il était derrière Brigitte, il mettait les petits coups. Oui, oui, oui, c'est ça. Je pense. Oui, en tout cas, apparemment. L'Elysée minimise la scène. Je vois là, je lis le Figaro, oui, parce oui, que oui. C'est mon là où le seul non, chamaillerie, il décompressait en chahutant Emmanuel Macron, giflé par Brigitte Macron, après avoir évoqué un fake. L'Elysée minimise la scène. D'abord, ils ont dit que c'était terrible. Ils ont dit que c'était les Russes et l'IA. Et après, on leur a dit bah non, n'importe quoi. On a 12 ans de différence. Ouais, non, non, en fait, c'est rien. En fait, c'est pas grave. C'est ce qu'ils avaient fait avec les masques et le Covid. C'est rien. Non, mais après, c'est pas si grave. Est-ce que vous avez déjà souffert de culpabilité solaire? Et moi, je suis très solaire naturellement. Ouais, je sais pas c'est si vrai. C'est ça. Non. Alors, qu'est-ce que c'est la culpabilité solaire à votre avis? Okay. Culpabilité solaire. Est-ce que non, non, mais vas-y. Être trop genre être. Avoir le sentiment d'être trop bronzé? Non, ce n'est pas ce sentiment. Alors ça, j'imagine qu'en France, ça existe de plus en plus. Et ça n'est pas de votre faute. Si je peux... Juste, il n'y avait aucune culpabilité à avoir. Mais je comprends le sentiment. Vu l'ambiance. Culpabilité solaire. Eh oui. C'est toi qui es fort en mots, Kevin. Est-ce que c'est, genre, est-ce que c'est par rapport aux stories, genre j'ose pas faire une story parce que je suis au soleil et du coup. Oh non, ça personne ne l'a visiblement. Ouais, c'est pareil, ouais, je me prends en pleine gueule. Coucou Paris, ça va? Bon, allez. Je t'emmerde. Pardon. Culpabilité solaire. Non, c'est un rapport direct avec le soleil. Oui, vraiment, voilà, c'est pas être solaire, c'est vraiment lié au soleil. Culpabilité solaire. Aucun rapport avec l'astrologie? Non. Ok. Non. Les problèmes de peau liés au soleil, rien à voir? Non. Putain, culpabilité solaire. Est-ce que c'est le soleil lui-même qui fait putain, tous ces cancers désolé. De la peau que je provoque? Je m'en veux. Je suis désolé, les man. Pour moi, c'est instable dans le soleil. Ouais, c'est pas à 100%. C'est vrai. Oui. Et tous les matins. Non, c'est pas le soleil qui éprouve de la culpabilité. C'est les gens. Culpabilité solaire vis-à-vis du soleil. Mais ça, c'est très. Est-ce que c'est des gens qui habitent dans des endroits où il y a plus de soleil qu'ailleurs? Non, c'est un truc qui peut toucher à peu près n'importe qui. C'est pas des gens qui vénèrent le soleil et qui vont contre. Ah, est-ce que c'est dans le train? Et genre, toi t'as le soleil, mais celui de derrière il a le soleil sur son ordi et du coup t'as de la culpabilité. Genre, je laisse le pare-soleil ouvert parce que moi j'en profite et j'empêche les autres de bosser, non? Non, ça c'est un fou. Ça... Non, je sais pas, d'où j'étais... ça. Non, je... j'étais avec toi, sur les hublots. De... Oui. Mais moi je préfère fermer. Bah non, mais ouvre-les. J'ai vu une embrouille comme ça une fois, un mec. Mais c'est surprenant qui des ce caisses, truc. Un bébé. C'est surprenant qu'il s'est fait ce choix là, SNCF. Enfin, j'y connais rien en construction de train, mais c'est séparé en deux. Il y a une poubelle partielle. Ça change pas grand. En vrai, je suis sûr, tu prends une disqueuse, tu mais oui, truc, non, et ça marche pareil. Ouais, j'ai du mal à. Pour moi, c'est fait pour foutre le bordel. C'est Hunger Games. C'est ça. Et au prix qu'on paye, avec nos impôts. J'ai sorti toutes mes phrases. Après, il y a un PNQ qui va lever le truc. Sûrement un prof de mes deux. Putain, ça me ravit cette. Cette anecdote, je la connaissais pas, putain, elle est géniale. Oh là là. En vrai, elle a pas tort parce qu'un peu PNQ d'avoir pris en photo les trucs. Non, mais en vrai, j'aurais savais pas que t'avais pris en photo, j'imagine. Ah non, elle l'a jamais su. Non, mais je suis l'absolu, PNQ elle avait raison. Dans l'absolu, elle avait pas tort, mais là, par contre, bon. Le mot PNQ, moi, tu sais que je l'adore. Ah bah, moi, j'adore. Mais j'utilise tant que je peux. En vérité, de mes deux, j'aime bien aussi. En vrai, sur son style d'écriture, j'aime bien. Mais ce qui est génial, c'est que, oui, en parlant de style d'écriture, c'est ce que je me suis dit, c'est on se demande qui c'est les gens qui, genre, pendant le ramadan, on voit des photos de saucissons et tout. Ouais. Voilà, tu c'est clair, il a raison. Il fait des crèches en charcuterie et tout, tu passes la photo. Voilà, on l'a. C'est le même phrasé. C'est profond. Elle en a parlé, moi, à deux personnes, donc une qui est visiblement un contact professionnel. Ouais. C'est ça qui m'a plu. Ouais. Ah, donc il y avait pro. Ah, ah oui, c'est d'accord, pour ça, le PRO. Oui, un jeu de mots Pascal Pro, mais non. Non, il y avait vraiment un machin entre parenthèses pro. Elle a un collègue à qui elle a dit ça. Elle a un collègue où elle s'est dit ça, c'est une anecdote pour un collègue. Et ça se trouve, le collègue a dit oh là, mais arrête de m'envoyer. Oui, je te hais. Laisse-moi tranquille. C'est un de ses employés à cette pardon, petite parenthèse. Ouais, je m'en remets pas de cette anecdote. Culpabilité solaire, c'est ça le. Ouais. Wow, est-ce que c'est du coup une culpabilité parce que tu fais subir quelque chose à quelqu'un? Non. Là, par exemple, nous pourrions souffrir de culpabilité solaire. Genre là, ah, est-ce que c'est genre. Tous là, nous tous les quatre, là, en ce moment même, à l'heure actuelle où on parle, on pourrait souffrir de culpabilité Est-ce que c'est solaire. Genre, oh là là, toute cette énergie solaire dont on ne profite pas en n'ayant pas de panneau solaire? Ah putain, t'es presque, mais c'est pas lié au panneau solaire. Ah, est-ce que c'est genre, on est à l'intérieur alors qu'il fait beau? Exactement. Oui. Mais le gaming là. Mais pause peut-être et va dehors. La culpabilité solaire aussi appelé ma mère, visiblement. Mais il y a du soleil là, sort. Ah oui, bon, ça on l'a tous. J'ai pas d'amis. Il me frappe si je sors. Sur un forum Reddit, on trouve des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de posts qui se demandent si ce sentiment est partagé. Est-ce que vous aussi vous culpabilisez de ne pas être dehors quand il fait beau? Pourquoi cette pression sur les journées de beau temps? D'après la psychologue Rachel Goldberg, interrogée par le média Women's Health, les facteurs en jeu sont aussi bien sociaux qu'individuels. D'abord, il y a la peur, plus ou moins fondée selon l'endroit où on habite, de ne jamais revoir le beau temps. Certains d'entre nous ont tendance à croire. C'est dur. Mais un peu extrême. Si l'on fait mourir demain. Certains d'entre nous ont tendance à croire que si nous ne profitons pas du moment, on peut être sûr qu'il ne. On ne peut pas être sûr qu'il reviendra. Il y a alors la culpabilité de ne se dire qu'on ne retrouvera jamais cette possibilité. D'ailleurs, plus que pour beaucoup, le temps à l'extérieur est associé à des souvenirs positifs. Passer du temps entre amis, faire du sport, partir en vacances. En ne vivant aucune de ces choses un jour de soleil, vous pourriez bien expérimenter un FOMO, Fear of Missing Out, ou peur de rater quelque chose en français, en vous disant que tout le monde s'amuse dehors à part vous. Un sentiment aggravé par les réseaux sociaux où les photos des journées des autres peuvent exacerber votre sentiment de solitude. Et un peu ce que tu disais, les gens sont en terrasse et machin avec le soleil, et toi t'es chez toi et tu dis mais qu'est-ce que je suis une merde, je ne profite pas du soleil. Mais je crois que je l'ai plus que quand j'étais jeune, moi. Le FOMO. Ouais. Bah le truc de putain il fait beau quand même, sort un peu quoi. Ouais, plus particulièrement le truc solaire. De ah il fait beau, sort quoi un peu. Et le FOMO, c'est un truc que vous avez, c'est cette peur de rater quelque chose quand on sort pas? Non, moi je trouve ça insupportable. Je trouve qu'on en fait trop avec ça depuis quelque temps. Il y a des gens qui disent que ouais mais ça alimente mon FOMO et tout, fais attention à c'est ton FOMO. Enfin déjà c'est ton FOMO. Et en plus je pense qu'il faut vraiment, c'est un truc dont il faut se libérer, tu vois. Bien sûr qu'on rate des trucs. Oui, tout le temps, pas grave, tu vois. Donc en fait j'essaie justement moi de pas du tout avoir ça. Ouais, je suis d'accord. Mais après le truc du soleil, bah nous l'un et l'autre on bosse dans la critique de jeux vidéo depuis assez longtemps pour que non on n'aurait pas survécu en ayant donc on est assez à l'aise avec ça aussi. Maintenant il y a le Steam Deck, donc tu peux être un petit peu soleil puis un petit peu faire du gaming en même temps. Gadget. Qu'est-ce que t'aimes ça, putain, c'est ta drogue en fait. Donc toi dans Médoc pareil. Oui, sensiblement la même chose que mais après que peut-être Kevin. Avec les gamins, moi ça vient avec ma fille qui est assez jeune. Là il y a le côté de pour elle c'est important de sortir. Dès qu'il fait beau j'ai plus ce truc de ah j'ai tendance à être assez casanier. J'essaye de contrer ça plus pour ma gamine en fait. Bien sûr. Ouais, le FOMO de ta fille. Je leur dis sortez. Enfin, tu vois. Oui. Maintenant, moi, je suis là pour faire ça. Moi, je lui dis sors, dégage, mais. Allez faire de l'argent pour papa, quoi. Ouais. Découvre. Vive et voilà. Ramène de l'argent pour papa. Allez faire de l'oseille. Ce qu'ils ont déjà fait au demeurant. Bien sûr. 55 balles jusqu'à maintenant. Plus 15. Compétition de ping-pong, c'est ça? Exactement. Ouais, je connais tout. Ah ouais, d'accord. Tes enfants sont vraiment à fond dans le ping-pong. J'en ai un en particulier qui est à fond dedans. Et qui fait les. Là, dernièrement, il faisait les trucs départementaux, là. Putain, génial! Il m'a rapporté des sous. Donc, ça, c'est bien, ça. Bon, et après, il a gagné une petite place à un escape game, je sais pas quoi. Ah, pas mal. Pas mal. Donc, t'es déjà allé au Table Tennis 11 Paris? ou pas du tout? C'est le, parce que je passais tout le temps devant une époque, ouais, boutique de ping-pong célèbre. Non, tu pas à ce point-là quand même. Putain. Non, mais t'as des éponges, mais t'as des raquettes, éponges de joueurs de ping-pong. T'as, oui, t'as non, tout, mais t'as, oui, voilà. Ouais, moi, tu choisis le bois de ta raquette et tout, c'est quelque chose. Bien sûr, après ouais, le mien, non. Le mien est équipé, c'est-à-dire picot. Donc il joue picot avec des okay, picots sur son, sur son oui, truc. Parce que c'est soit lisse, soit picot, c'est ça? Ouais, voilà. Et puis après, t'as en fonction du. Enfin, plein de trucs techniques. Il a un sac vraiment profilé pour le ping-pong. Ça, c'est. Non, mais, si, pour de vrai. Parce que là, et... tu peux acheter que le, tu sais, tu peux garder ta raquette et changer le truc autour. Le revêtement, oui, ouais, c'est ouais, ça, le revêtement. Ouais, ouais, ouais. Ça coûte cher. C'est le Danik Barracuda que je vous montre. Hein, oh, ouais, oui, on avait reconnu. J'avais reconnu. Oui, mais c'est marrant que tu dis ça parce que le FOMO sur les. Moi, je l'ai sur mes enfants, sur ma fille. Ouais. Où des fois, je me dis. Là, par exemple, elle était en week-end avec sa mère. Et ben, j'ai eu un peu ce truc de. Ah, j'espère que je vais pas manquer un truc. Ah, oui, tu vois. Ça, oui. Moi, elle a appris à marcher, par exemple, quand j'étais en tournage. Ah, et, ouais. Enfin, appris à marcher, non, mais les vrais premiers pas. Ouais, ouais, ouais. J'étais pas avec elle. And the cats in the cradle and a silver spoon. Tu vois pas cette chanson? Non, pardon. Du coup, c'est très étrange comme moment. Okay. Cats in the Cradle, vous voyez pas, c'est une chanson d'un père qui travaille, enfin, du point de vue d'un enfant. Ouais. Et qui parle de son père qui a raté tous ces moments parce qu'il était trop occupé et tout, quoi. Ah oui. Cats in the Cradle. Tous les films de Robin Williams. C'est ça. C'est ça. Il joue au baseball. Ouais, mais c'est encore dans ton travail. Ah, j'ai raté la compétition de baseball. Avec son énorme portable. Ouais, c'est ça. De voiture de l'époque. Où il court à la fin, mais quand même, il rate, putain. Non, ou alors, je crois que c'est du point de vue du père, justement. Parce que Cats in the Cradle, c'est pour dire, bah maintenant, c'est le chat qui est dans le berceau. Ouais, d'accord. Et en fait, mon fils, il est grand. Et... Mais non, mais elle est belle, hein, cette chanson. C'est une musique, c'est country un peu. Ça sonnait un peu country, ça comment tu l'as chanté. Ouais, après ça c'est ma vibe. Ouais, c'est là tu countries tout ce que tu fais toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je peux tout vous faire en country s'il vous plaît. Une judoka. Ah, wow. Ah ouais. Axel F. Crazy Frog. Okay. Une judoka a été mise en examen et suspendue à vie de son sport, à votre avis, pourquoi? Alors elle a éclaté quelqu'un. Alors non. Dopage. Elle a utilisé pas sûrement le... si, d'ailleurs, dopage, mais... dopage. Pas dopage. Elle a utilisé le judo en dehors du tatami. Ça, vous savez que c'est absolument interdit. Ouais, il faut prévenir d'abord. Ouais, c'est ça. Ah oui? T'es considéré. Non, non. Bah, par l'administration, t'es considéré comme une arme. Je suis considéré comme une arme, ouais, c'est ça. De comme Michael Knight. Oui, je me souviens d'un épisode de K2000 ouais, où il y a des mecs qui l'embrouillaient dans un bar et disaient: je suis obligé de vous prévenir que je suis ceinture noire de karaté. Et les mecs, ils faisaient ouais, ouais, ok. Et après, il les défonçait. Trop stylé. Moi, je le dis alors que je suis pas ceinture noire de karaté. Pour le style. Je pense que c'est principalement des gens qui le sont pas qui le disent. Ouais, je pense. Dans ce genre de circonstances. Mais, et d'autant que lui, il a une voiture qui peut littéralement envoyer des petites mitraillettes. Mais sa voiture, donc, elle est plus forte au karaté. C'est clair, donc ouais, c'est clair, tu peux dire ce que tu veux. Envoyer des petites mitraillettes. Au karaté, ouais, mais avec un C. Oh. Ah oui, bah. Oh, t'es à la maison, hein, tu sais. Bah, tu les jeux de mots. Jamais je me suis permis. Oh, tu peux y aller. Tu peux. Permis de conduire, bien sûr. Pardon ? Tu t'es permis de conduire. Bien sûr. Bagnole. C'était raté le remake de K2000, ça m'avait déçu. Moi j'en attendais beaucoup. Le quoi, le remake de K2000, ils avaient refait K2000 oui, en série vrai, et vrai, c'était assez raté. Alors qu'aujourd'hui, putain, avec les IA, pourrait faire une super. Enfin, c'est une Tesla quoi, le truc. Mmh. Mais ouais. Pourrait vraiment faire des chouettes trucs. Enfin, bref. C'est clair, je vous le dis comme ça. Bah, oui, non, mais t'as raison. Mais un 21 Jump Street, tu sais, quand ils avaient fait re-21 ouais, Jump Street avec Jonah Hill, oui, comme ça de K2000, c'était en rêve en fait. Bah, bien sûr. Bien sûr. Ils ont merdé, les mecs. Ils ont merdé. Donc, oui, c'est judoka. Elle a été bannie à vie de la fédé, en gros, c'est ça? Ouais, elle ne ouais, peut plus exercer son sport. Est-ce que c'est pour quelque chose qu'elle a fait en compétition? Oui. Mais ah, pas d'accord. Mais pas que. Est-ce qu'elle est musulmane? Non. Ah, pas, peut-être, mais. Dommage, mais, c'est une pas bonne pour piste, ça, en tout parce cas. Ouais, c'est pas, pour, la bo- c'est ouais, pas pour ça, en tout cas. Non. Est-ce qu'elle a prouté? C'est, tu sais qu'il y a un vrai prout gauge, j'en parlais hier soir, dans le milieu des fléchettes? Non, c'est fou. Un mec qui faisait exprès de péter le, avant. Tu, au moment tu où... tapes Fartgate Darts. C'est un truc, c'est un gars qui dit bah, j'ai le taper, Google vient de m'insulter. Et il y a des interviews post-match de gars qui dit comme par hasard, à chaque fois que c'est monté, ça pue. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ce genre comme de quand truc, t'es arrivé dans la rue, quoi. Et, ouais, c'est ça. Mais sauf que le gars qui parle, c'est un numéro 1 mondial. Enfin, tu vois, c'est pas ah, genre. C'est, genre celui c'est qui pas un tournoi Hitler, random, là. Comment? C'est pas Hitler là le... Non, lui c'est celui qui a. C'est le dictateur. Oui, oui, oui, tu comprends. Non, mais tu te trompes. Le prodige des fléchettes là. Lourdement. C'est très lourdement. C'est fou de confondre ces deux mecs. C'est bien pour ça que son nom me reste en tête. C'est qu'il y a le nouveau prodige des fléchettes. Il s'appelle, enfin, ça doit se prononcer Littler. Ouais. Ah, d'accord, ok. Mais c'est L-I-T-L-E-R, quoi. Ouais, ouais. Très bonne, Littler, quand même. Très bonne photo sur l'article qui en parle. À savoir, très concentré au premier plan et un deuxième temps, qui se retient de vomir derrière. Et il a une tête de prouteur, le. Mais c'est clair. Mais donc, ouais, c'est genre, c'est l'équivalent de Nadal qui dit, mais c'est pas moi qui ai pété, c'est Federer sur le terrain et c'est terrible, j'arrive pas à me concentrer. C'est les numéro un mondiaux du truc, c'est incroyable. Ah, quel bonheur. C'est vrai. Donc, elle a pas prouté. Donc, elle a pas prouté. Ou en tout cas, c'est pas ça qu'on lui reproche. Ouais. Car c'est légal en judo. En judo, de prouter. Est-ce qu'elle a dit des trucs? Elle a rien dit de particulier. Ah, donc, est-ce que c'est un geste? Ce n'est pas un geste. Oh, ok. Est-ce qu'elle a. Elle a fait de la pub pour quelque chose. Tu sais, des fois, il y avait des gens qui se tatouages sur le front, genre. Ah ouais, putain, j'avais vu ça. Enfin, peut-être incroyable. Pas. Peut-être j'abuse. Ça, c'est Swagman, pardon. Non, mais il y avait des gens qui avaient. Je crois que c'était dans au MMA, des mecs qui faisaient de la pub peu. Genre, ils avaient un sponsor un peu dégueulasse. Et il y avait l'inverse aussi, les gens qui refusaient des sponsors. Enfin, tu sais, qui viraient les bouteilles dans les interviews des gens. Ah oui, bien sûr. Cristiano Ronaldo avait fait ça. Cristiano Ronaldo avait enlevé une bouteille de coca. C'est ce que je viens de dire. Ah, ok. Tranquille. Cristiano Ronaldo. C'était du coca, je crois. Ouais. C'est un joueur de foot. Ronaldo, ouais. Ouais, Ronaldo, c'est un joueur de foot. C'était Cristiano Ronaldo. Ouais. Avec du coca. Moi qui l'ai dit. Ouais. Donc, oui, non, c'est pas ça. C'est pas lié c'est à pas une pub. De pub. Non. T'as dit que c'est quelque chose qu'elle faisait en compétition et aussi ailleurs. Enfin, pas que, c'est ça. Oui, en fait, là, elle a... je vais même vous donner des un. Des tweets. C'est pas des tweets, mais ça aurait pu être ça. Mais j'ai... Des tweets pendant la compète, ça aurait été. Je vais vous donner un gros indice. Vas-y. C'est lié à un mensonge. Oh, elle a jamais fait de judo, elle est pas ceinture noire du tout. Si, parce que mine de rien, elle a quand même battu Sandrine Martinet en finale pour la médaille d'or en 2021. Ouais, mais justement, ça aurait été stylé de genre en fait, j'ai pas la ceinture noire. Ah oui, non, c'est pas ça. Je suis juste natural. Ouais. Non, il y a quelque chose concernant cette judoka que vous ne savez pas qui va tout de suite qui pourrait vous donner la réponse si je vous dis elle a menti. Mais donc en fait, elle a une spécificité cette judoka. Sur son âge? Pas son âge. Sur son sexe? Non. Sur son pas son poids, j'imagine. Il y a des catégories de poids, mais ça, c'est contrôlé, ouais. Ouais, ouais. Non, mais elle aurait peut-être pu, effectivement, peut-être tricher. Ouais, tricher. Elle a fait la pesée, mais elle avait 1000 ballons d'hélium dans les mains. Bah non, je pèse 12 kilos, en fait. Et il y a un petit vieux qui dit, bah attendez, on va voyager un petit peu avec un scout. Elle a menti. Elle a menti. Sur sa nationalité. Ah. Alors, c'est pas sa nationalité, non. Sur mais on sent dans ton non, ton non, non, c'est pas du tout. Non. Ok. Est-ce non, que c'est quelque exemple, chose à votre avis, elle a battu Sandrine Martinet où, à votre avis? Bah sur la PS5, sur la sur la Play. Pour la médaille d'or. À Paris? Non. En France? Non. En compète? En compète, mais quelle compète? De judo? Oui. Ah, je sens que j'arrive pas à aider là. Les JO. Alors, c'est pas les JO. Les championnats du monde. C'est olympique, mais c'est pas les JO. Ah, les Jeux Paralympiques? Oui. Ah, elle n'est pas handicapée. Oh, waouh! Elle n'a pas elle de n'a handicap. Pas le, elle n'a pas le. Ouais, le... Exactement. Oh. En fait. Elle oh, est... ça, c'est Ivo le aussi. Waouh! Attends, vas-y, raconte. Ouais, vas-y. Attends. Ouais. Vas-y. Elle n'est pas malvoyante. C'est-à-dire qu'elle est censée être aveugle. Elle faisait semblant d'être aveugle. Non, mais et en fait, elle est voyante. Elle avait prédit l'avenir. Non, un simple examen de routine a suffi à lever le voile sur des années de mensonges. Lundi 19 mai, le média espagnol ABC relate qu'une Espagnole. Qu'une championne paralympique médaillée d'or à Tokyo en 2021 a été suspendue à vie pour avoir menti sur son handicap. Oh là là. La mise en cause est la judoka azerbaïdjanaise Sahana Hajigeva, selon nos confrères, l'examen qui a permis de tout révéler s'est tenu juste avant les mondiaux de parajudo qui se sont achevés le 15 mai dernier au Kazakhstan. Les experts qui ont examiné la jeune femme de 24 ans sont formels. La vue de Shana Hajigeva est optimale. Non, je crois que elle a même pas moins 5 ou moins 7. Ouais, quoi. Et je crois que le test, c'est qu'il lui faut. Oh, les gars, non, mais elle a dû se faire piger bêtement. Des petits doigts de loin, il faisait des petits doigts de loin. Attends, t'as vu? Non. Ça me fait penser à une anecdote. C'est très vieux. C'était quelqu'un qui était venu, venu nous solliciter. J'étais avec mon père. Était venu nous solliciter quelqu'un dans la rue pour des sous, je sais pas quoi, avec une pancarte où il est marqué je suis sourd muet, etc. J'ai pas mal de galères. Et on était petits, on était jeunes avec mon frère. Et mon père donc voulait nous montrer un petit peu. Bah, regardez, faut donner un PNQ, un PNQ. Un petit peu en mode PNQ, en mode prof de merde. Ouais, j'avoue. Prof, non, 2002. Et il avait donné, et le mec avait dit merci, monsieur. Ah oui. Et avec sa voix tranquille. Putain. Et donc ça me fait penser à ça. Et là, il fait un salto arrière. Tu te fais avoir un petit peu bêtement. Putain, c'est dans quel film ça? Tu sais, un film pendant la Seconde Guerre mondiale là. Soldat Ryan. Non, mais tu sais où il y a. Putain, je sais plus. Bon, allez, laisse tomber. T'as GPT ça, ça non, non, mais tu sais où c'est. Il y a un gars que. Je sais plus s'il se fait passer pour un quelqu'un qui parle pas allemand ou alors il se fait passer pour oui, un Allemand. Inglorious Bastards. Inglorious Bastards, ouais, ça ressemble ouais, ah, ouais. un peu de ça. Avec a... Fassbender qui dit je voudrais 4 bières, 3 bières. 4 ouais. bières. Ah, ouais, c'est pas ça. Ça. Ah, bon non, non, ouais. non, c'est dans un mais, train, ouais. moi, je sais pas. Mais c'est un vieux film. Bon, bref. Envoyez des NDM à Florent. Non, laissez-moi. Laissez-moi. est-ce que vous avez, est-ce que ça vous arrive, alors toi Adrien je sais que non, mais de, vous avez déjà menti pour vous sortir de situations un peu relou? Pardon, je suis un moi menteur. Non, tu rigoles ou quoi? Moi non. Chaque jour. Ben oui, oui, menti pour des, mais pas pour des gros trucs, mais des petits ouais. trucs de t'as pas envie de faire un truc, tu fais aïe aïe aïe non, enfin ouais, ouais. tu vois, je sais pas, c'est normal ah, quoi. Ouais, mais même je trouve c'est parfois c'est de la considération. Enfin tu vois les gens qui disent moi je suis anti, je mens jamais et tout ça, parfois ouais. si mens-moi. Ouais ouais, ouais. je préfère. Enfin tu vois c'est mens-moi un petit peu. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois où je sens que la personne me ment et c'est ok. Oui oui. Ouais, toi, ouais, elle me dit ah, bah tu vois l'équivalent de je suis malade ou de ouais, je suis oui, bah, désolé. On nous l'a fait pour le podcast d'ailleurs. Oui oui voilà c'est ça. Ah désolé là je suis oui oui. On a vu ta story toi. Ouais, non, mais tout va bien, c'est pas grave. Ouais. Il y a un, le vivre en société implique un peu d'hypocrisie, un de mensonge, peu, à un degré. Tu vois, je dis pour des trucs pas importants, mais ouais. ah, bah, ouais, c'est ça. Sûr. Avec modération. Ouais, ouais. Consommer avec modération le mensonge. Mmh. Voilà. Bien sûr, et à bien utiliser sûr. Surtout. Avec modération, si je peux me permettre. On est ensemble jusqu'à 18h avec. il a des petits conseils de vie comme ça. Non, mais ouais, si, ouais. Le mensonge, ouais, ouais, ouais. Bravo. Normal pour moi. Si, si. Logique. Régulièrement. Bah, moi, j'avais menti. Régulièrement, moi, tous les jours. Bah, tout simplement, quand je dis à mes enfants, vous inquiétez pas, tout ira bien. Wow. Ah, ouais, ouais. Ah, bah oui. Bah, oui, oui, c'est ça. Donc voilà. Mais non, non, oui, il y a des contrôleurs qui me demandaient mon nom alors que j'avais pas mes cartes. Donc j'avais fraudé. Et que j'avais pas mes cartes d'identité, j'avais aucun papier, enfin en tout cas j'en présentais aucun. Pour t'avais pas tes cartes d'identité, ouais, donc ça. Déjà. Ouais. Il y a déjà du mensonge vraiment, genre, ouais, c'est ça. Et qu'elle me demandait mon nom, prénom, mon adresse, etc. Bon, c'est quel pote que tu foutais Et que t'as... je lui disais, c'était un pote de mon frère. Ouais, voilà. Et donc je disais que je m'appelais Karim. Ouais. Et je m'appelle Shoryu Ken. Rue du Dragon Punch, à Logne. Rue de la Rage. Faf la Rage. Et voilà quoi, oui, mais bien sûr, mentir. Mais ceci dit, attends, les contrôleurs, c'est la moindre des choses. Oui, oui, parce qu'en plus, c'est tellement facile. Ouais. Oui, c'est-à-dire que soit t'es honnête et tu payes très cher, ouais. soit tu mens et ils ne tu payes pas. Et tu payes zéro et ben, ils ne, jamais bien ça sûr, te retombera dessus. Bien sûr. Ah, mais mentez-leur, ils prennent ça comme une impolitesse de leur dire la vérité. C'est donc, vraiment, mentez. C'est comme mais ça. N'empêche, c'est, ouais. bien sûr. N'empêche, ça, c'est un des trucs qui va sans doute disparaître avec les IA. Les contrôleurs. Bah parce qu'ils vont dire vous avez pas votre papier d'identité. Attendez une photo, clac, vous vous appelez machin quoi. Ah ouais. Reconnaissance faciale et tout, ça va arriver. J'ai vu passer cette news. Ça va arriver, c'est même déjà possiblement. Je sais pas si c'est lié à l'IA, mais j'ai vu un truc de, en gros, un article qui disait ça va devenir quasi impossible de mentir aux contrôleurs. Ouais. Parce qu'en gros ils vont tout de suite pouvoir vérifier l'adresse, ton nom. Ouais. Et enfin voilà, il y a plein de trucs où avoir ta tête. Et ouais, juste, ouais, et juste au moment de la photo, faut faire des petits mouvements. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais non, mais t'as des petits brouilleurs. C'est flou, c'est flou. À reconnaissance faciale, tu sais, des petits motifs. Que bah, tu peux mettre une fausse moustache. Il y a Swagman hein, encore une ouais, fois. Ouais, ouais. Toi, Mougri ? Le mensonge ? Ouais. Ah oui, oui, moi je suis. Oui, oui bien sûr. Ouais. Enfin, c'est ce que je disais. Moi je trouve que c'est presque un peu de la politesse, quoi. Bien de sûr. Mentir parfois un peu. Mais t'as, donc, t'as un exemple d'un moment. Ah, où de t'as... quand j'ai. Ouais, ah, ouais. pardon, excuse-moi. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais c'est vraiment un peu les exemples que disait Adrien. Tu vois, parfois un truc pas envie d'aller voir quelque chose ou faire quelque chose. Ou flemme. Ouais. Il y a des gens dont je suis assez proche et je sais que c'est ok de leur dire j'ai la flemme. Ouais. D'autres où je me dis que ça pourrait les blesser de oui, m'entendre oui. dire j'ai la flemme, donc je vais dire un truc genre ah là désolé je peux pas, tu vois. Ouais. Ouais. Et je fais ça vraiment dans un truc de pour pas en plus de ne pas être là, ne pas blesser inutilement une personne quoi. Ouais. Donc, ouais ouais plus le mensonge. Et par ailleurs quand j'étais petit j'étais un menteur ah, auprès ouais, de mes si, parents. Des trucs de vraiment pour faire des bêtises, des conneries, des trucs. Ouais. J'ai menti, j'ai menti à mes parents toute ma vie. Quoi. Mais à tout moi, à mes copains aussi, enfin, copains, mais gens qui me parlaient. Ouais. Mais, mais des trucs qu'on a, avec le recul, je comprends même pas. Ah quoi, oui, de oui, faire oui. semblant d'avoir vu des films, de faire semblant d'avoir joué un jeu. Ouais, stupide, c'est juste des trucs de bah, ouais, pour pas avoir l'air pas cool, j'imagine. Ouais, ouais, besoin de communauté. C'est ça, genre, je l'ai testé. Les gens sur Insta maintenant, le font à l'âge adulte. Non, mais ça, c'est... les gens qui disent que leurs enfants ont dit des phrases incroyables. Oui. C'est marrant que tu parles des mensonges dans l'enfance, parce que j'étais complètement comme ça, et avec des trucs aussi absurdes que j'ai une Ferrari. Et donc, tu sais, j'habitais, enfin, tu vois, au collège, tu sais, les gens, ils habitent, tu sais où t'habites, tu vois ce que je veux dire. Elle est où ta Ferrari? Ouais, non, mais voilà, ouais, non, elle est pas là. Elle est... En réparation, là, voilà. Aux States. Mais tu sais, c'est stupide, j'ai un cheval et j'ai une Ferrari. J'ai un cheval dans mon jardin, elle est pas là. C'est nul. Malade, en fait. Et j'ai une copine, mais elle habite pas ici. Elle est dans mon collège, mais là. Putain de merde. Ouais, ouais, c'est clair. Et vous avez déjà grillé vos enfants en train de mentir? Ouais, ça y est, un petit peu. Ouais, bien sûr, les miens, bah, ils ont 12 ans. Ouais. Donc là, ça ment pas mal. Ça ment énormément. Et tu te fais, je vais pas te demander de balancer des trucs, mais tu te fais choper des fois, ou enfin genre quand ils te mentent, tu le vois pas tout de suite, ou je le vois, c'est vraiment, je le vois, mais tout de suite. Ah ouais, d'accord. Okay. Bah, c'est mes enfants. C'est ce que je dis tous les parents. Hein. Enfin, ouais, genre, mais c'est ce que alors, je me disais. Oui, c'est... Et moi, j'ai hâte, j'attends le moment où ils vont me mettre, ouais, ils vont t'avoir. Ils vont brain, ouais, ouais. C'est clair. Je l'attends parce que ça sera voilà une preuve. Un petit peu de leur voilà développement cognitif. Mais pour l'instant, non, c'est des piètres menteurs. Mais tire à les voir au parloir, c'est bien. T'as bien menti à papa, je l'ai pas vu venir, ça. C'est vraiment, je crois que c'est de la transmission d'une certaine façon. Oui, c'est pas celle du roi lion, quoi, c'est vraiment. Mais ouais, non, ils sont c'est un petit peu nul en mensonge, mais c'est une compétence qu'il faut développer, le mensonge, pour faire soit comme Kevin soit comme d'autres personnes malhonnêtes et tout. Mentir, quoi. Voilà. Ouais. Mais ouais, ma fille, elle commence à faire les trucs de, elle voit que c'est là, elle fait non mais je rigole. C'est fou. Alors qu'elle est toute petite, elle a 3 ans. J'avais un neveu qui faisait ça. Qui était très très mytho. C'est genre, non mais moi c'était, c'est pas des mythos, c'est genre quand par exemple elle est un peu fâchée, elle fait bah c'est nul. Je fais pardon, qu'est-ce que tu as dit? Mais non mais je rigole. Genre, ok, alors ça va, j'ai failli me fâcher. Ah, ça c'est une fameuse technique sur internet, hein, de dire les pires trucs. C'est du second degré, en fait. C'est pas qu'une température. Oui. Et elle m'a dit, récemment ma fille m'a dit, non mais c'est un personnage. C'est une autre époque, elle a dit. Il y a 10 secondes là, c'était une autre époque. Adrien. Non, parce que comme est-ce que je fais mon jeu ou... Mais j'allais te le proposer. Okay, bah, j'allais te le proposer. J'ai un petit jeu. Adrien a prévu un petit jeu pour nous régaler. Donc, c'est un petit jeu. Tel que vous me voyez, je vais nouer une petite serviette autour de mon cou. Je vais prendre mes deux couverts et me régaler. Et te régaler. Ah oui. La régalade. Parce que c'est un jeu auquel vous allez jouer tous les trois. Et alors on parlait de mettre inutilement les gens en compétition tout à l'heure. Oui. Et bien justement, vous n'allez pas jouer les uns contre les autres, vous allez jouer tous ensemble. Ah. Oh. La France Black Blamber. Yes. France 98. Exactement. La France blanc blanc Black Beurre. J'ai les deux. Mais oui, c'est ça. Black Beurre. Mais voilà. Et après, ouais. Bon, ouais. Et donc. J'ai fait par le passé le jeu des films qui baisent ensemble, le jeu des gens qui baisent ensemble, des chansons qui baisent ensemble, etc. En fait, le principe, c'est juste que, bon, vous savez, moi j'écoute le Cozy Corner, je connais tous les trucs. Merci. Vous m'aurez pas. Ouais, ouais. On a bien vu. Je les écoute, je les réécoute et tout. Donc, je connais bien le lore du Cozy Corner. Okay. Et évidemment, je connais bien le lore du Floodcast, puisque j'en fais partie. Évidemment. Et donc, du coup, il va y avoir une question que je vais. Une partie de la question qui va s'adresser à vous deux, qui concernera le lore du Cozy Corner. Uh-huh. Une question qui va s'adresser à Florent, qui concernera le lore du Floodcast. Ok. Et la réponse sera un mélange des deux, un mot valise qui reprend. Wow. Alors, j'ai un exemple. Bien sûr. Ouais, ok. Mais tu crois que t'as affaire à qui? Non, mais c'est vrai. Alors, Jean-Luc Reichmann, excuse-moi. Donc, facile, a priori, pour commencer. Donc, Florent, un parc d'attractions dont on s'est moqué très souvent dans le Floodcast. Et pour vous, un petit cosy qui est parfois cité, toujours remercié, dans le Cozy Corner. Et maintenant, là, vous devez concerter. On va discuter parce que l'émission dont on s'est beaucoup moqué, ce serait Fort Boyard. Non, j'ai pas dit d'attraction. Parc d'attraction. Ah, pas d'attraction, pardon. Ouais. Ah, bah, le Puy du Fou. Le Puy du Fou. Ouais. Ah, Foulque. Le Puy du Foulque. Le Puy du Foulque. Ah, oui, d'accord. Donc, c'est de la coop, ça. C'est de la vraie coop. C'est nécessite de la coop. Très bien. Et c'est aussi potentiellement un petit prétexte pour lancer une anecdote sur si sur vous le souhaitez. Ouais. Non, là non, mais parfois, par exemple la suivante, qui j'ai réécouté l'épisode. Bon, ça peut, si vous voulez développer. Et aussi, je précise que s'il y a un truc où vous dites, ouais, ça, on n'a pas envie d'en parler, on coupe la question. Moi, j'ai aucun problème. Ok, on verra. Alors, donc Florent, on a plusieurs fois dit qu'il était le premier. Et vous, un de vos potes prétend avoir été témoin de ce phénomène sexuel, mais c'est peut-être pas tout à fait ce qui s'est passé. Ok. Ok. Ouais. Alors, ok. Nous c'est là... Squeezie. Alors. Ok, donc Squeezie. Ouais. Et vous, nous, c'est le squirting. Ouais. C'est squirting. Squirty. Squirty. C'est Squirty. Est-ce que vous voulez. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Est-ce que vous voulez développer. Oh, je pense qu'on peut le dire. Ouais. C'est un mec qui s'est fait pisser dessus. On a un pote. T'as qui. Oui. Voilà. J'ai un pote. Mais qui n'est pas Squeezie. Parce que non. Parce que les gens qui prennent en cours et qui ont peut-être pris le jeu. Non. Racontez bien avec. Non, j'ai un pote qui s'en blague. Ah, oui, mais l'émission parce est très écoutée, attention. Dans le Cozy Corner, on vous dit pas son nom. Hein. Ah bon, pas moi. Non. Si, on l'a déjà dit. Je crois qu'on l'a déjà dit. Mais c'est pas grave parce qu'il est, extrêmement drôle. Okay, c'est un comédien, il fait des pièces. Là, de théâtre. Tu donnes beaucoup d'infos. Pardon. Non, mais parce qu'il est talentueux, enfin, il est rigolo. On pourra biper son nom, s'il vous plaît. Et ce gars-là, il a toujours été dans la rigolade et les mots un petit peu, les trucs, tout. Toutes les histoires en dessous de la ceinture, il aime bien le graveleux, le vulgaire, etc. C'est comme ça qu'il aime bien faire rire. Et il a une certaine maîtrise de ce truc-là. Et on partage souvent à l'occasion des, tu sais, de ces fameux week-ends, le cœur des hommes, en fait, avec mes homies du 77 et Kevin ici présent. Ouais, je me sens extrêmement mis à part. Non, mais parce que tu t'es mais bien pas du 77, bien sûr. Eh ben, quand on passe un week-end ensemble et on discute, alors toi, ça va, comment la vie, les enfants et tout, ah, le divorce ou les. Tu vois, ouais, le sur la vie, la vie. Voilà. Eh ben, à ces occasions-là, lui nous a raconté une anecdote. Voilà, en ce moment, je suis avec une nouvelle petite et on, sexuellement, ça se passe super bien. Et le, par contre, les gars, le truc, est-ce que vous. vous êtes déjà. Enfin, est-ce que vous avez déjà vu une meuf squirter? Et voilà, c'est ça qui nous posait. Et il a été amené à nous raconter l'histoire. Une femme, parce que oui, truc, elle avait squirté sur moi, etc. Et en nous racontant l'histoire à Kevin et à moi, on a réfléchi, on a écouté. Vous avez enquêté? Oui. Dis donc, est-ce que t'es sûr que c'était du squirt? Est-ce que t'as pas simplement pissé dessus? Et pourquoi est-ce que. On a eu cette take-là parce que juste avant, il nous avait dit, bon, un soir, à l'occasion d'une fête, elle a dit, viens avec moi dans les toilettes. Ouais. Et il lui a dit, mais pourquoi faire? Mais viens avec moi dans les toilettes. Et elle est allée dans les toilettes avec lui et elle lui a dit, assieds-toi sur la cuvette. Et après, elle lui a dit, je peux te pisser. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pardon. Non, je l'ai pas fait. Oui. On lui a dit, pourquoi? Parce que je sentais qu'elle voulait me pisser dessus. Et du coup... En reliant les points, tu relis les points, tu fais bah elle t'a pissé dessus, clairement. Ouais, après, attention, vous étiez très fort au Mickey Enigme, vous. Ah, voilà. Y a pas de nulle part non plus. Non, mais voilà, donc non, excellent, putain, excellent ce jeu. Squirty. C'est bien quand même, si vous connaissez pas le Cozy Corner, ça vous donne des petites. Oui, voilà. C'est ça, mais c'était le but aussi. Bien sûr. Après le lore du Cozy Corner. On leur doit énormément au Floodcast. Non, mais pour de vrai, on vous doit beaucoup. Alors, celui-là, je l'aime bien parce que. Moi, j'ai juste... Bon, on va voir. Florent, une chanteuse à qui tu as fait dédicacer un vinyle dans ce couloir. C'est vrai. Et vous, un rappeur qui met des coups de pression à des ados. Oh. Ah, oui, ok. Alors, allez-y. Alors, moi, c'est Clara Luciani. Je suis d'accord. Donc, ouais, c'est Laura Luciani, du coup. Ah, ouais. Clara Luciani. T'as vu, ils disent pas, eux. Hein. Ouais. Ils disent pas, ils veulent donner la réponse. Oui, non, pardon, c'est vrai. Je suis le premier à donner le truc. Donc, voilà. Ouais, mais faut, dites-le. Oui, j'arriverai plutôt sur le. Alors, Laura Luciani ou Clara Luciani. Ouais, bien sûr. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous voulez la raconter ou pas? Ah, je peux. C'est moi, parce que je l'ai pas. J'ai pas eu, jamais eu le fin mot de l'histoire. Oui, parce que je crois que. Évoqué mais jamais raconté, j'ai l'impression. Oui, en fait, je crois que oui, ça a toujours été un peu le jeu de dire j'ai une anecdote incroyable avec Laura Luciano et sans jamais la dire. Mais c'est un vrai truc, on était avec un pote, on avait genre 13-14 ans, on était en 3e, je crois. Ok. Et on traçait sur les quais de Bordeaux pour aller au skatepark parce qu'on était vraiment dans le sport extrême à l'époque. Et on marchait sur les quais comme ça, et au bout d'un moment, il y a un mec qui vient, un adulte, et qui vient nous embrouiller, quoi, clairement. Tu sais, c'est vraiment le truc de est-ce que t'as une clope, truc comme ça? Non. on est là, bon, mais c'est bon, laissez-nous tranquille et tout. Et le mec part en vraiment, mais tu sais qui je suis et tout. Et il a un gars à côté de lui qui est clairement un mec de la sécu, mais sur le moment, c'est juste un mec extrêmement baraqué. Et il nous embrouille vraiment à base de, ouais, tu sais qui je suis, tu me parles pas comme ça, tout ça, tout ça. Il finit par lâcher un peu tout seul, donc on continue. On capte pas qui c'est du tout à ce moment. Et c'est juste que plus tard dans la journée, tu sais, on se sépare avec mon pote, là, on fait chacun notre truc. Il repasse chez moi et mon pote, il me fait, putain, regarde, et il montre une affiche de poster qui annonce un concert de la Funky Family le soir même à Bordeaux. Il me fait, regarde, c'était le Raluciano. Et donc, il avait, sur son temps libre, embrouillé deux gamins de 14 ans pour rien. Et voilà. C'est drôle. Et c'est fou, parce qu'il m'est arrivé la même chose avec la Luciani. Elle a embrouillé ma gosse. Alors, je vais commencer par vous. Non, je commence par Florent. Okay. Mais on essaie, ouais, mais on dira essaie, avant on comme essaie, ça. Tu essaie, ouais, celui-là, il est plus pour un moment. Voilà. Un festival où ça pue de la bite, Florent. Et vous, un jeu que vous avez utilisé comme contexte pour m'humilier et participer à mon harcèlement dans votre podcast, entre parenthèses, que je finance chaque mois, je précise. Bah ça, je pense même toi, tu dois l'avoir, non? Non, pas, je sais pas à quel point c'est le gaming, non? Ah non, moi, pour moi, le jeu, attends, le jeu, c'est Balatro, a priori. Ah bah ça, non, parce que Balatro, ça se savait. Ouais, c'est pas ça. Un jeu que vous avez utilisé comme contexte, mais c'est pas le. Alors attends. Baldur's Gate. Non. Attends, non, mais toi, t'as le festival déjà. Ah oui, c'est le Hellfest. Donc. Ah mais du coup, attends, je suis un peu paumé. Nous, on a utilisé un jeu comme contexte. Voilà. Mais pour faire une référence à du coup à ce Balatro, truc de Balatro, là, il y a pas longtemps là, quand vous m'avez humilié. Vous rappelez. oui, d'accord. Ok, c'était un duel, du coup, j'imagine, c'est ça. Même pas. Un duel. Ah parce que non mais nous on appelle ça les duels, mais en fait public. Non, c'est même pas ça. Okay. On avait pas fait une petite juste on a raconté n'importe quoi. Tu venais de faire un Cozy Culture Club sur un jeu et après vous avez utilisé ce jeu comme contexte. Ouais, mais on t'humilie tellement souvent. C'est ça. C'est pas vous êtes vraiment le rat Luciani. C'est ça. Ah, je suis désolé, c'est le moment où on devait arriver avant, mais là j'arrive. T'inquiète. Tu cherches le nom d'un jeu. Le nom d'un jeu qui est sorti récemment. On peut peut-être. Alors, il y a Clair Obscur. Pardon, je viens de me faire happer par les Shaman King que je vois là. Ah incroyable. Oui, oui. Incroyable, ça me rappelle plein de choses. Excuse-moi. Ma compagne, très grande fan de Shaman King. Et donc, on cherche le titre d'un jeu. Un jeu qui est sorti récemment. Pas de problème. Et toi, t'as c'est le Hellfest. Le Hellfest, d'accord. Eh ben, un jeu qui est sorti récemment. Vous voulez un indice? C'est moi qui ai fait un Cozy Culture Club dessus, je crois, oui, il me semble. Ouais, j'arrive pas là. Aïe. Monster Hunter, c'est bon. Non, un jeu où on court. On court pas mal. Ah oui, Haste. Ah, Haste wow. Haste Fest. Hellfest. On en avait profité pour toi, je suis désolé. Oui, en fait, ah oui, c'est vrai. C'était une parodie de Haste. Oui, tout à fait. Oui, ça courait. Ah, voilà, oui, voilà. Avec le oui, c'est voilà, bon, il s'en rappelle même pas tellement. Mais parce que c'était une idée de Mehdi, moi je disais. Non, c'est bon, là. Moi j'étais vraiment contre, je me dis ça se fait pas. Ok, alors justement, Florent, oui. Une boutique dont on a parlé il y a 3 épisodes. Et vous, les Ozo, un endroit où un forfait terrible a été commis, mais apparemment, Médoc n'y est pour rien. Donc ça, c'est un parking. C'est juste un parking? Ouais. Ah, où c'est le parking d'envergure, mais c'est parking. Parking of Pop. C'est ça, parce c'est que nous, on parlait de la boutique King of Pop, King of Pop. Des grands boulevards, yeah. qui est uniquement sur Michael Jackson, mais en fait, pas du tout. Vous n'avez jamais vu cette boutique? Non, c'est pas dans les grands boulevards. Elle a fermé, malheureusement. Elle a fermé depuis, mais c'était une boutique que sur Michael Jackson, mais en fait, pas vraiment, et qui était en vrai une énorme tenue. Tenu par un mec très agressif qui forçait les gens à rentrer dans sa boutique et essayait de leur vendre de force des trucs qui avaient rien à voir avec Michael Jackson. D'accord, voilà. Et l'aventure était top, King of Top d'ailleurs. Vraiment, elle était horrible. Donc, cette histoire de parking, est-ce que tu veux. Non, mais. C'est devenu. Bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir. Non, c'est juste qu'au moment d'emménager dans ma nouvelle résidence. Là, il y a 3-4 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, un truc qui avait été construit dans le neuf, etc. Enfin, j'étais très content, très enthousiaste. Et les choses avaient l'air d'avoir été faites de manière carrée en termes de couloirs, d'ascenseurs, tout était précis, laser, les plantes, etc. L'ascenseur était encore emballé pendant plusieurs mois. Il y avait un emballage d'ascenseur qui était resté pendant 3 mois. Donc ça sentait le neuf, ouais, etc. Mais ça sentait également la merde, ouais, à un moment donné, ouais, ouais. Parce que tu sais, je avec ma femme, comme les bébés quoi, ça sentait le neuf et la merde. C'est un peu ce truc-là. Exactement. C'est un bébé immeuble. Et tu sais, avec ma femme, on est dans la boucle de la copropriété, bien tu sûr. Sais, pour discuter avec les gens. Bon, mais c'est quoi les problèmes de voisinage? C'est quoi comment le syndic va nous sucer tout notre... ouais, bien sûr. Etc. Et dans cette boucle de messages, il y a quelqu'un qui avait posté une vidéo en disant c'est inacceptable, regardez ce que j'ai vu. Et donc tu le voyais dans cette... Il poste la vidéo et tu le vois descendre dans mon parking, arriver à une place précise... Sa place à lui et il filme, et au milieu de sa place, au milieu, il y avait une merde, et il filme cette merde et il dit c'est un scandale. Et donc moi je faisais des pauses, donc ma meuf me montre ça, et moi je faisais des pauses, je faisais des zooms, et pour finalement constater que attends, ça c'est pas canin, ça c'est, ouais, pas, c'est pas un chien, c'est une merde humaine, c'est une merde humaine, ouais. Et c'est complètement une merde humaine, c'était vraiment fait, enfin tu vois, il y avait tout le truc et tout. Vous avez pas vu, merde, faire la toupie avec, ouais, ouais, ouais. C'était une merde humaine. Et donc la question, c'était, ça a été de savoir bah, pourquoi, comment, les fameux qui que quoi, bien sûr. Et dont on a discuté beaucoup dans le podcast, et on a fait tout un tas d'hypothèses, et je ne saurais comment expliquer ça. Au bout d'un moment, il y a des gens qui se sont mis en tête que, oui, c'était moi qui étais descendu. Bah, en fait, sur une place de parking. Ouais. En fait, je crois que c'est toi, Kevin, qui a fait dans le Cozy Corner, ouais, un peu un truc de genre, oui, oui, bien sûr, c'est pas toi. Comme par hasard, t'arrives et il y a une merde et tout. Et c'est vrai que j'ai remis une pièce dans la machine. Ouais. Quand j'ai commencé à écouter le Cozy Corner, j'ai remis une pièce dans la machine et c'est vrai que voilà. Et donc, du coup, maintenant, vous m'humiliez sur Balatro. Cette bonne guerre. Voilà. Mais en plus, je veux dire, c'est vraiment le scénar parfait d'un super vilain, oui, qui, oui, qui chie dans les parkings et, oui, et qui est excité ça. Par le fait d'en parler, oui, après. Oui, oui, oui, et dire, mais on sait pas qui a et fait qui ça. Et qui regarde la vidéo et qui zoomerait, ouais, par exemple. Ça, oui, ça. Oui, bien sûr, oui. Non, non, mais bien sûr. Je suis d'accord avec ça, c'est pour ça que je dis trop rien. Ouais, ouais. Alors, la suivante, il y a. Bon, c'est pas un piège, il y a une petite astuce. Florent, une plateforme sur laquelle on a refusé d'être en exclusivité. Okay. Et vous, une plateforme d'enfoirés qui vous attèche comme des malpropres. C'est pas la même. C'est la même. Bah, c'est Spotify, ouais. Ouais, c'est Spotify. Ouais, ouais, c'est Spotify, dire, oui, c'est ça. Je voulais juste dire, c'est Spotify, voilà. Bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. Ça, c'était rapide. Après, il y a quand même le menuisier qui était sérieux. Ouais. Quand même, dans oui, c'est vrai. Il y a ces lyrics-là dans la chanson, je l'ai pas en tête. Ah, si, si, en fait, c'est ce que j'adore. C'est que tout le monde a été horrible. Et à un moment, il dit, il y a que le menuisier qui était sérieux. Il est quand même pris le soin de dire attention le menuisier, si tu m'entends, ouais, toi t'as fait du super fait. Ouais, peut-être qu'il avait fait une première version. Le menuisier a attendu, il dit non, là c'est pas honnête. Ouais, attendez, là, moi, là Francky. Ou ouais, si tu vérifies sur les travaux, c'est Vincent BTP. Enfin, tu sais, Ou alors j'imaginais justement le menuisier qui écoute la chanson qui fait putain, merde, je vais m'en prendre plein la gueule. Et le moment où il entend, il fait oh putain, le soulagement de dire yes. Moi je suis. Il a fait passer du temps sur ses plaintes. Je suis hors d'attente. Ouais. Le serveuse, la serveuse en train de baiser. En train de baiser, oui, dans la chambre froide. Dans la chambre froide. Ce qui doit être horrible. Oui. Vraiment c'est terrible. C'est après, et c'est Francky Vincent le restaurant. Moi, je me dis, il y a sûrement moyen de baiser. Oui, oui, oui. C'est vrai. Parce que tu peux pas le faire dans le restaurant de Francky Vincent. C'est vrai. J'avais jamais pensé à ça en fait. Mais le mec, oui. Le mec, il vient, le même mec qui dit, et voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Il dit, mais vous êtes fou, vous êtes fou, quoi. Parce que ça baise dans sa chambre froide. Jamais j'ai capté. Si ça avait baisé dans le resto de Faudel. Mais dans le resto de Francky Vincent, ouais, ça me paraît assez logique. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait un truc, moi, que. Mais je me demande si j'ai rêvé ce truc, tellement à chaque fois que j'en parle, les gens me disent quoi. Mais il y avait eu un. Merde, une tornade à Haïti, je crois. Enfin, il y avait eu un truc qui avait causé beaucoup de dégâts et tout. Et Francky Vincent avait fait une chanson en soutien aux habitants de Haïti et tout. Sauf que il avait réutilisé la même instru que Droit de réponse, Francky Vincent le restaurant. Et le même air et tout. Et donc, c'était la tornade. C'était vraiment genre, ma gars. C'est vrai que l'anecdote a envie de dire que c'est trop fou pour être vrai, mais. Si jamais, Flo, tu peux retrouver. Je trouve rien, je t'avoue, je vais pas te mentir. Oh là là, mais bon, je suis un fou. donc. Non mais bon. Chers amis, ça fait 1h43 qu'on parle et comme à l'accoutumée, avant de se quitter, c'est très drôle. J'ai passé un très bon moment. Les recommandations culturelles, on fait toujours ça à la fin de l'émission. Si vous avez des petites recommandations culturelles, quel que soit le domaine, je sais qu'il y a des food gaming, mais ça peut être aussi cinéma, télé, littérature, bande dessinée. Ah oui, dessinée. J'avais oublié de vous dire ça, pardon. Oui, non, mais même et des fois. Je vais commencer comme ça. Si voilà, je... et c'est pas forcément un truc qui est sorti récemment, c'est un truc que vous avez kiffé récemment. Voilà, donc peu importe quoi. Alors moi, je vais en faire deux rapidement. La première, c'est alors, au moment où l'épisode va sortir, le jeu sera sorti, je crois. C'est Solcesto de Doc Gero. Donc un jeu dont j'avais déjà parlé. Doc Gineco. L'album de Doc Gineco, pardon. Oui. Je dis n'importe quoi. Je vais te lécher le cul, je vais te bouffer la chatte. Oui, alors fais attention. Voilà. C'est un adulte. Respecte-le, c'est un adulte. Bien sûr. Mais tu sais, tout le monde cite ce moment. Alors qu'en fait, la vidéo, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est très chill au début. Oui, c'est oui, la montée qui est oui, bien. Bien sûr. C'est pas juste qu'il insulte un gars. Il fait, je sais pas, on est en retard. Je vais te bouffer le cul. Oui, après, je comprends que aussi juste ce passage-là est drôle. Oui, mais la montée est marrante parce que même en face, il y a un gars qui lui répond. C'est il y a une vidéo très marrante de karaté justement qui commande ce truc-là où il dit regardez, tu sais, il fait une espèce d'analyse de chaque personne et en fait il y a un gars de WFM qui au début est très non mais vous arrivez en retard, c'est quand même pas du et quand Doc commence à monter, lui fait non mais attendez, on discute. Et alors l'analyse d'engueulade est très marrante. On va pas se lécher la chatte bêtement. c'est trop con. Putain, en parlant de ça. Pour la première fois récemment, j'ai revu le passage entier de en fait le justement en parlant de le voir le moment entier et pas seulement le moment drôle. Le passage entier de Doc Gineco. Oh, ouais, ça a été une partie de sa vie assez conséquente. Non, sa mère est née là-bas. Oui, c'est ça. Ouais. Il est né ici. Non, de Finkielkraut qui dit ça a commencé. Ah oui. L'émission a commencé. Et en fait, moi, j'avais vu à chaque fois les dernières secondes juste avant qu'il dise ça, mais j'ai vu là. Tout le truc, c'est-à-dire depuis le moment où il est, et c'est hilarant en fait parce que tu revois à la lumière de, tu sais qu'en fait il croit que ça a pas commencé, ce qu'il dit, c'est hilarant quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, non mais vous allez me poser des questions, vous allez quand même me briefer avant quand même et tout, et vraiment il est en train de préparer l'émission quoi, c'est con. C'est hilarant, je vous invite à regarder l'extrait en entier. C'est ta première recommandation. Voilà, ça, j'en ai. Bah, vous allez voir. Vous allez voir. Mais ouais, mais justement, ça, c'est déjà le truc. Mais avant ça, c'est hilarant. Parce qu'il clash un gars, il vanne un gars, quoi. Parce que lui, il croit que ça enregistre pas. Donc il dit, ah ouais, c'est comme machin, là, et tout. Et en fait, lui, il croit qu'il est dans. Il chie un gars. Pisser. Bon, Alain. Bah, limite. Donc, Solcesto, un jeu dont j'ai déjà parlé. Un jeu qui est. Voilà, en gros, le principe, c'est. On va un petit peu manipuler l'aléatoire pour essayer en prenant des bonus, des trucs, des objets, etc. Je vais encore très mal à expliquer, mais c'est un peu compliqué. Il nous voit tous les deux devant comme ouais, ça. Ouais, bien sûr. Non, mais. Là, il y a deux pros, là. Alors, vas-y, parle du gaming, vas-y, Adrien. Parle. Non, mais il n'y a aucun problème. Le mec vient sur nos plates-bandes. Il est là. Non, mais voilà. Petit jeu 1-2, c'est toutes les semaines. Hein. Ouais. Toutes les semaines, il y a un petit jeu 1-2. Non, mais c'est un quadrillage. Il y a soit dans les cases, soit des monstres, soit des bonus, etc. Ouais. On peut choisir que la ligne sur laquelle on va apparaître, mais on ne choisit pas la colonne. C'est aléatoire. Donc. On prend des risques, genre peut-être que je vais tomber sur un bonus, peut-être que je vais tomber sur un ennemi, mais il y a tout un tas de manipulations que tu peux faire pour manipuler l'aléatoire et mettre le plus de chances de ton côté. Et plus tu avances dans le jeu, plus tu peux choper des objets, des bonus, etc. qui vont faire pencher la balance en ta faveur. Et donc c'est de la stratégie basé sur l'aléatoire, et c'est hyper beau, la DA est hyper belle, elle est faite par Chariot Spiral, qui est un auteur de BD. Là, je vous ai un peu mouché parce que pas mal mon explication en vrai. Ouais. Et j'en avais déjà parlé parce que j'avais fait la démo, etc. Ouais. Et là, le jeu, là, il est sorti, là, là, au moment où on parle. En accès anticipé, cela dit. En version accès anticipé. Ah ouais? Ouais. Mais attends, là, il dit. Non, là, il dit, la sortie, c'est dans 4 jours. Dans 3 jours. Je crois que c'est la sortie en accès anticipé. Ok. Mais bon, en tout cas. T'es tombé. Ouais. Dans les méandres du gaming, je suis tombé. Ça, c'est donc le podcast que tu lances en septembre. Non, mais voilà, mais donc, voilà, un super jeu. Un jeu français cocorico, j'ai envie de dire. Voilà, Doc Gero, vous le connaissez peut-être en tant que youtubeur, mais voilà. Là, il fait des jeux, et là c'est un super jeu, donc je le recommande. Et sinon, c'est l'émission Les Grands Remplaçants de Jamil Lechlag, Très, très drôle. que, qui était un podcast à la base et qui est maintenant une émission sur Nova, mais qui est disponible en podcast, et c'est comme ça que je l'écoute, et c'est vraiment c'est très marrant, c'est trop bien que... C'est vraiment le bordel comme j'aime, moi en tout cas. Ouais, c'est ça, en fait c'est vraiment un podcast à la radio quoi. Enfin, c'est ça, ouais. Avec quand même des chroniques, mais il n'y a pas le côté figé justement de la radio qui moi me rebute un peu, où c'est genre vraiment toute la parole elle est hyper cadrée, oui. Machin, pub, et du coup c'est un peu machin, chiant. Ouais, musique, ouais. Machin, ouais, ouais. C'est animé, l'animateur principal c'est Jamil. Moi, bon, il peut dire n'importe quoi, il me fait trop marrer. Ouais, le chat qu'on a essayé, en fait, il habite à Marseille, ça fait 3-4 émissions qu'on essaie de l'avoir. À chaque fois, c'est une galère, ah ouais, mais c'est un gars voilà. Qu'on adore. Il est beaucoup. Voilà. On est d'accord qu'il y est pour beaucoup dans l'installation de... C'est incroyable. Maintenant, les enfants, ouais. Les enfants, quand ils parlent, qui regardent les vidéos YouTube, etc., les youtubeurs disent c'est incroyable avec une... Mais est-ce que c'est pas SCH? Pardon. Ah oui. Est-ce que c'est pas SCH? Bah ouais. Oh, c'est incroyable, mon gâté. Pour moi, c'est bien fait. Ouais, c'est ah ouais. Fait. Oh, peut-être qu'il y a une. Ils peuvent se le partager. Oui, ouais. Ils peuvent se partager. Ouais. Ça. Jamil et SCH. Pas, allez. Ouais. Et donc voilà, j'écoute ça en ce moment. Ça me fait beaucoup rire. Moi, j'adore. Même dans ses vidéos Insta, j'adore son format parce qu'en fait, quand t'es humoriste aujourd'hui, tout le monde fait un peu des formats qui se ressemblent et c'est pas du tout une critique, c'est des modes. C'est un peu une critique. Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Non, mais c'est soyez des modes. Soyez innovant ou n'en faites pas. Lui, non, moi, il a fait un truc marrant de reprendre un petit peu ce qu'il faisait à la radio avec les. En fait, il lit son texte en regardant son téléphone quand il parle d'actu et tout. Et en fait, il y a sa meuf à côté. Qui rigole ouais, à ses conneries. Et moi, j'adore ça. C'est génial. En fait, c'est. Ouais, c'est un trop bon format quoi. Ouais. Ça appartient qu'à lui et ça me fait vraiment beaucoup rire. Et il a vraiment un ton qui est trop drôle et tout. Et les chroniqueurs et chroniqueuses changent à chaque fois. Ouais. Il y a des invités. Il y avait Adèle Fougazi qu'on a reçu entre autres. Ouais. Et c'est vraiment très marrant. Moi, c'est quand il dit ça va, un gars connu. Quoi. Ça va, Vincent Lagaffe. chaque fois, ça me plaît beaucoup. Dans Jamil Lechlag, il est grand remplaçant, super émission. Voilà. Ouais, c'est mes deux recos. Trop bien. Excellent. Médoc. Alors moi, je vous avoue que j'avais pas forcément. Ouais, j'avais oublié de te prévenir. Il y a aucun totalement. Problème. T'as vu, on oublie tout le temps. Hein, regarde la souplesse. qu'est-ce que vous voulez, un jeu vidéo ou un film? Mais comme tu veux, gars. Même les deux, si tu veux. Un jeu vidéo, allez. Un jeu vidéo. Alors en ce moment, je suis sur Death Stranding, figurez-vous. Oh. Ah, parce qu'il est ressorti, suite, non? Ouais. Il y a la suite qui sort dans un mois environ. Quelque chose comme ça, ouais. Et je me dis, vas-y, je vais prendre ce train-là. Donc, tu l'avais jamais fait. Voilà. Non, voilà. Parce que Médoc ne refait pas les jeux. Oui, jamais. Je sais, je connais bien le Cody Burner. C'est vrai, mais t'as raison. Et en l'occurrence, bon voilà, Death Stranding, donc un jeu de Hideo Kojima. Ouais. Je te regarde, Kevin. Bah oui, mais c'est beaucoup de pression. Et Hideo Kojima, c'est Metal Gear Solid. Bien sûr. La légende. La légende. Il a fait un tweet sur un film que j'ai écrit. Voilà. Oui, c'est une petite fierté. Co-écrit. Sur lequel j'ai écrit. Ouais. C'est con, on serait venu il y a 4 semaines, j'aurais dit j'ai vu Vermine. Oui, et c'était ce film-là sur lequel c'était il a fait Vermine. Ouais, c'était pas Jack Mimoune. Effectivement. Mais oui. Parce qu'il y a un truc sur. Il y a un peu un genre de truc récurrent de Kojima. Ah, mais j'inclus pas Vermine. Non, mais si, il aime tout. Mais parfois il te met j'ai lu ce livre, c'était incroyable. Et tu vois le bouquin, tu fais non. Bah, non, ça, c'est et c'est Jamil Lechak. S'il dit c'est incroyable. Ouais, non, mais évidemment, bien sûr. Les deux gars qu'on fait connus, qu'on fait des tweets sur Vermine, c'est les deux gars qui. Donnent leur avis sur tout. Ça fait quand même très plaisir. Excusez-moi, j'adore tout ramener à moi. Je suis une merde. Moi, j'aimerais bien avoir un petit tweet de Kojima. Oui. Parce que des gens qui donnent leur avis sur tout sur internet, il y en a quelques-uns. Des gens plutôt stylés, quoi. Mais oui, moi j'adore Kojima et donc c'est pour ça que ça m'avait touché parce que j'ai beaucoup joué à Metal Gear. Tu l'appelles Kojiman, toi. Le Kojiman. Le Kojiman. Le Koji. Attendez, c'est trop con, on l'appelle. Le K. Le K. Non, venez, on l'appelle et ça va faire marrer. Allô, le K. Moshi. C'est le gars de Vermine là. Hey. Flo San. C'est Flo. Florent San. Là, je précise, c'est le rire de Médoc. Hein. Voilà, ça peut surprendre. On est en train d'abattre un animal. Il a mal. C'est la seule personne à qui ça fait mal de rire. Ah, les gars, je suis en transpiration depuis tout à l'heure. C'est un supplice. Je m'étais préparé, tu vois. Je dirais, c'est clair que c'est des rigolus. On va rigoler un petit peu. Mais là, je suis en transpi, putain. Puis on enregistre dans un hammam, ce qui est très cool. Ce qui est très bête de ma part, effectivement. Une erreur. C'est une très belle réverb, cela dit. Donc excuse-moi, pardon, Death Stranding. Death Stranding, non mais simplement je rattrape. Donc je sortis en 2021 je crois. Et qui te raconte l'histoire de Voilà, il y a eu plusieurs explosions. Il y a eu le Big Bang. Il y a eu toutes explosions Hiroshima peut-être nucléaire. Et un jour, bah, arrête de rigoler. L'hyrosceptique, c'est vraiment le pire, tu sais, la pire théorie du complot. Non, mais ça non. Hein. Hiroshima, enfin soi-disant. Ouais. Et un jour, il y a eu la dernière explosion. Et le jeu se passe après la dernière explosion. Et t'es dans un monde un petit peu chelou où y a, la météo elle est capricieuse. Et quand il pleut, bah, c'est pas cool parce que la pluie elle est acide. Et il y a des ombres bizarres. Et il y a des gens qui meurent. Et dès lors qu'ils meurent, ils ont 48 heures pour se faire incinérer de manière très spéciale. Autrement, ça fait comme une bombe atomique. Oh, wow. Voilà. Et toi, tu vas jouer le rôle du mec de The Walking Dead. Okay, Norman Reedus. Norman Reedus, qui est transporteur et qui est chargé de reconnecter l'Amérique en fait, en transportant des petites colis. Ah, ça se passe aux États-Unis. Ouais. Ok, je savais pas. Tout ça. À fait. Et tu transportes. Mais du coup, il y a zéro ville et tout, donc tu sais, ça pourrait être l'Islande. Ça ressemble plus à l'Islande. Ouais. Que, j'ai vu les images, c'est pour ça que je me. Ouais. Et tu reconnectes les villes en livrant des pizzas, des petits des tableaux, du matériel et de l'internet aussi. Tu donnes l'équivalent d'internet aux gens. Des CD AOL. Une vidéo du singe qui se met le doigt dans le cul. Ouais, c'est ça. Regardez. Mais voilà, tu reconstruis bien sûr le lien entre les. Et donc c'est voilà le propos, j'imagine. Je l'ai pas encore terminé, mais c'est retisser du lien entre nous. Et tu kiffes parce qu'il paraît que c'est un jeu difficile d'accès. Il y a plein de trucs qui me saoulent la vie. D'un point de vue gameplay, c'est très intéressant. Je trouve. C'est tu t'es là à décider tes routes, par où tu vas passer, où sont les dangers, comment tu vas logistiquer ton matériel pour l'amener de là à là. Ouais, parce que t'as un vrai truc de poids. Il y a un moteur physique de ouf. Voilà. Et en fait, le gameplay, c'est que vraiment, c'est quand tu descends des montagnes et il y a des rochers, etc., tu dois faire attention à pas faire tomber tes affaires. Ouais, bien sûr, et bien c'est sûr. Ça la gueule aussi. Ouais. Je crois que tu peux vraiment te péter la gueule. Ah, tu peux te péter la gueule et faire tomber et abîmer tes affaires. Un peu drôle d'ailleurs les vidéos où ils marchent. Ça m'est arrivé. J'ai eu plein de déconvenus. Moins drôle le fait que t'es quand même un bébé. Ouais, c'est Kojima. Oui, c'est vrai que t'as un bébé. T'as une espèce de bébé dans un qui est connecté à toi tout le temps. Tu te plugs un bébé. Ouais, ouais. Et donc quand tu tombes, c'est un peu. Ouais, il chiale quand tu tombes, donc t'es obligé de le secouer avec la manette pour de vrai. Non, de le bercer. Ouais. Mais tu sais, c'est pas très donc précis. Tu le secoues. Oui, mais c'est ce que conseillent les sages-femmes. Oui, mais secouez votre bébé quand il pleure. Pour qu'il arrête. C'est bien sûr. C'est un personnage. Attends qu'il arrête. Et voilà, donc ça, il y a des trucs agréables et il y a d'autres trucs qui me cassent les couilles. Notamment, peut-être l'intégralité. Disons que moi, j'aurais pas mis. Il y a plein de scènes que j'aurais pas mises dans le jeu. Ouais. Des scènes. Okay. Beaucoup de scènes qui sont chiantes. La plupart des scènes. Bah, moi, c'est ça qui m'a rebuté dans le jeu. Ouais. C'est que le côté livrer, préparer ses routes et tout, je me dis, putain, ça a l'air cool. Ouais. Mais l'univers où il y a des trucs dans le ciel et puis le truc du bébé et tout, moi, c'est vraiment pas mon délire, quoi. Il y a un côté, laisse-moi juste livrer des trucs et. J'aime pas, exactement. J'aime pas ce que fait Guillermo del Toro dans le jeu. J'aime pas ce que dit et ce que fait en particulier Matt Mikkelsen. Ah non, mais il y a un casque. Oui, parce qu'il y a assez doux. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien aller assez doux, mais parce que elle est mystérieuse et elle se téléporte, mais dans le jeu. Du jeu. Elle l'a fait une fois dans la vie. C'est ça. Mais voilà, j'aime pas ces généralités. Je trouve que c'est joué, ça apporte rien. Ça veut rien dire. Il a détesté ce jeu. Il est en train de détester ce jeu. Non, non, c'est pas la meilleure pub, mais. Ouais, non. Mais il y a plein de choses que j'adore. Il y a plein de choses que j'adore, mais voilà, Death Stranding. Mais dis-les peut-être les choses que t'adores. Parce pardon que... Dis les choses que t'adores. Non, il y a des moments un petit peu de contemplation, tu sais, quand t'arrives au sommet de quelque chose et puis t'as le sound design dans les oreilles. Parfois, il va te mettre une petite musique, mais je trouve ça un peu cringe. Me mets pas de musique. Mais moi, j'aime bien le vent. Menu en fait. Avant d'appuyer, quand ils disent press start, c'est super joli. Et après, non, il y a des moments de des petits moments de contemplation, pardon. Et aussi d'un point de vue gameplay, non, il y a des trucs très très sympas à faire. notamment courir avec son exosquelette, courir vite, ouais, sauter et mettre un coup de genou dans la bouche de tes ennemis. Ah, mais il y a de la bagarre quand même un aussi. Un petit peu, c'est oh, pas, okay. On n'est pas non plus sur un Devil May Cry, ouais. Mais bien sûr, il y a de la bagarre, il y a des armes, il y a des bolasses. Alors je m'amuse à, bien sûr, à attraper les gens avec mes bolasses. Est-ce qu'il y a Gimli aussi, pardon. J'arrive un peu tard en plus. Non, le timing bien. Était désastreux. Attends, le Seigneur des Anneaux. Et voilà, il y a des véhicules. Alors donc je suis là, dès que j'ai des problèmes, je prends ma petite moto. Et donc avec okay. ma petite moto, je peux aller un petit peu n'importe où. Donc non, non, il y a plein de trucs qui me font beaucoup plaisir. Et puis j'aime, de manière générale, j'aime bien le turfu, j'aime bien les idées un petit peu oui, comme ça. Oui, quand t'aimes bien l'univers, tu te dis plein de choses, ça va lier, ouais. Ça se lie à ma roco personnel. Oh. Et, oui, et, oui. Et alors oui, parce que moi j'ai acheté sur PlayStation 5 Indiana Jones. Ouais. Qui était d'abord sur Xbox. C'est marrant, ouais. j'ai écouté ce matin le podcast où tu disais ah quand il va sortir je vais l'acheter. Et bah écoute, je l'ai acheté, j'y joue et j'adore. Alors moi je suis une brêle en jeu vidéo, je joue quasiment jamais. La PS5 elle est pas à moi, enfin tu vois, je joue jamais aux jeux vidéo. Et quand j'étais ado, je jouais quasiment, à part GTA et quelques gros trucs, je joue qu'à des jeux issus de films que j'aimais bien, tu vois. Ouais. Donc j'ai joué à plein de jeux pas ouf, mais de trucs que j'aimais bien. J'avais le jeu Punisher, j'avais le jeu Minority Report, j'avais Battlefront 2, enfin tu vois, j'avais plein de il trucs. Il a platiné les tuches, par exemple. Ouais. Et je suis le seul, avec Jean-Paul Rouve. On est les deux seuls. Juste, petite parenthèse, il y a vraiment un jeu les tuches ou pas? C'est possible, je saurais pas te l'affirmer ou pas. Je pense pas, parce que ça se fait plus trop. Il y a une oui, c'est ça, c'est peut-être un peu récent. Il y a un jeu du Puy du Fou, hein. Il y a un jeu, bah oui, mais Puy du Fou, c'est énorme. Les tuches. Ouais, tu te rends pas compte. Non, non, mais en jeu vidéo, en fait, le jeu Puy du Fou, je vois tout de suite. Ouais. Le jeu Les Tuches, non, il y a un jeu, Bienvenue chez Ch'ti, ça, j'en me souviens. Ah oui, ouais. Et, mais non, il n'y a pas de jeu. Ouais, c'est envisageable, mais comme tu dis, je crois que c'est un poil trop récent pour qu'il y ait eu le temps d'avoir une adaptation. C'est ça, je pense pas. Et puis, je vois vraiment pas ce que tu peux faire avec ce qu'est le jeu vidéo actuellement. Parce que pareil, même Les Visiteurs, ils l'avaient fait en jeu vidéo, ça, je m'en souviens très bien. Et pareil, t'as quand même le côté aventure, t'as quand même le côté là, sans les tuches, t'as quand même pas trop ça, j'ai l'impression. Donc non, ce n'est pas les tuches, donc c'est bien Indiana Jones. Et moi, j'aime bien me plonger dans des univers. En fait, quand j'aime bien un film, effectivement, j'aime bien ce côté ah bah là, du coup, je vais jouer au film quoi, un peu. Et voilà. Alors que par exemple, Minority Report, c'est hilarant parce que l'acteur n'a rien à voir avec Tom Cruise. Ah non, y a rien. C'est même pas le même scénario. Enfin, tu vois, bon, bref. Et donc là. Indiana Jones, franchement, j'ai trop kiffé. C'est vraiment l'ambiance des films. Alors après, moi, je suis vraiment un débilos de jeux vidéo. J'aime bien quand ça tape et quand ça tire et quand c'est infiltration, ça me fait un peu plus chier. Non, mais c'est bien, pareil que toi. Voilà. Et là, du coup, je l'ai mis en facile parce qu'au début, j'avais pas mis en facile et il y avait un petit peu trop de trucs de dès que les méchants de voix t'es niqué. Donc j'ai fait non. Là, je veux où quand les méchants me voient, je peux taper et m'en sortir. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc là, je suis à fond là-dedans et non, franchement, je kiffe bien. Est-ce que c'est basé sur un film ou non, c'est un scénario original, mais c'est avec le indie de l'époque. Après, ils font ce truc génial où le premier niveau, un peu tuto, c'est la première scène du premier Indiana Jones avec la boule géante, etc. Et il se réveille, en fait, c'est un cauchemar, tu refais bien la scène du 1. Et après, c'est une histoire originale. C'est bien, ça fait deux fois qu'ils font ça avec Indiana Jones. Ah ouais? Bah, il y avait Indiana Jones and the Fate of Atlantis. C'était ça aussi. Le point and click. Oui, c'est vrai. Qui était un scénario. C'était un scénario original qui n'était pas basé sur un des films. Ah, mais ils en ont fait plusieurs. Moi, j'avais aussi un Indiana Jones et le Temple du Temps. Oh, je sais plus exactement. Mais il y avait ça, effectivement, sur ordinateur. Et là aussi, ce qui est trop bien quand tu joues en français, ça c'est le petit plus VF, c'est qu'ils ont pris la vraie voix d'Indiana Jones. C'est Richard Darbois qui le fait. Enfin, une des vraies voix, parce qu'il y en a plusieurs, mais la dernière en date. Mais, alors, j'ai entendu des gens dire que vu que tu contrôles la Indiana Jones un peu jeune, là, Darbois, aujourd'hui, ça a clashé un peu en termes. Est-ce que tu l'as ressenti ça ou pas spécialement? Bah, non, parce qu'en plus, c'est un FPS. Donc en fait pendant les cinématiques pendant les et c'est aussi ça que j'adore c'est que c'est un FPS et moi j'adore les FPS et non et puis je sais pas il y a un vrai plaisir de taper des nazis déjà des fascistes italiens on peut le faire dans la vie je rappelle n'ayant pas de couilles je suis content de le faire en étant Indiana Jones. Mais si vous vous sentez non mais je sais pas en fait en plus j'adore c'est un bon jeu quoi Indiana Jones. C'est là, le fouet c'est cool et puis ils ont fait le truc bien quoi c'est vraiment t'as pas tout de suite une mitraillette enfin tu vois c'est vraiment les points tu peux choper des trucs pour taper il y a des trucs les petites récompenses PlayStation là la fois j'ai chopé une guitare j'ai tapé un gars avec une guitare donc j'ai eu la petite récompense bien vous avez tapé un gars avec une guitare c'est des trucs qui me plaisent le scénario est cool hein, franchement le fouet est-ce que tu peux genre choper les pieds de quelqu'un et le faire tomber pas encore moi mais je pense que c'est des compétences que je vais choper mais déjà là le simple ça, le simple fait beaucoup ça le simple fait de voir un truc un peu en hauteur hop là et tu fais et tu montes comme Batman et Robin là ça c'est ça j'adore tu vois non il y a un truc qui me saoule mais c'est juste que je joue pas bien c'est les chiens sont très puissants en fait vu que, et ça c'est plutôt bien, tu ouais. peux pas tuer le chien. Ouais. Tu vois, oui, tu on peux, peut pas. Non, tu peux assommer, non, tu peux taper les humains et les assommer ouais, et machin, ouais. mais tu peux pas assommer ou les chiens, donc tu peux juste leur mettre un coup de fouet pour qu'ils aient peur yes. et ils se barrent. Mais au bout de 20 secondes, ils reviennent t'attaquer. Ouais. Ah ouais. Et alors quand ils t'attaquent, ils sont très vénères les chiens. Ouais, ouais, donc ouais. voilà. Donc ça c'est le seul truc si on pouvait tuer des chiens dans Indiana Jones. Si oui, ouais. Petite idée comme ça. Non mais voilà, j'ai kiffé, mais encore une fois, j'y connais rien en jeu vidéo. Je sais pas si c'est bien pour les gens qui jouent souvent, mais moi je me suis amusé. On peut taper. Oui, mais peut... toi, oui, t'aimes bien le côté des fouloirs des jeux vidéo à chaque fois. Far Cry et tout, non, c'est genre t'aimes oui, bien c'est juste vrai. Oui mais tu vois je peux être aussi non mais être... c'est pas un, non, reproche non, sûr, mais c'est pour vrai. Dire si vous êtes dans ce cette mais façon pas, d'aborder là, les jeux vidéo mais là c'est pas vraiment ça hein. Mais j'ai oui je crois que c'est plutôt posé non par c'est, rapport... posé, ouais, ouais. c'est posé hein, c'est posé mais tu le mets en facile pour pouvoir taper non pour toi. Pouvoir moins chercher ouais, c'est plus chercher okay. des trucs ouais. et avoir une chance quand on me chope ouais, pour ouais, pas ouais. que ce soit okay. justement Splinter Cell et dès qu'on me voit c'est niqué quoi. Mmh. Okay, d'accord. Donc non non mais voilà je m'amuse beaucoup sur ce jeu je passe voilà on voyage c'est beau là, trop je... bien voilà pas souvent que tu recommandes des jeux vidéo bah, c'est pour ça et la dernière fois et en plus t'es dit c'est l'occasion j'ai envie de platiner gaming j'ai un peu tout m'excite un peu j'ai chopé un appareil photo. Et je sens que je peux prendre des trucs en photo qui n'ont rien à voir avec la mission, mais si je chope des trucs en... Et donc, dès que je vois un truc un peu joli en ce moment, je prends une photo. Et des fois, ils me disent, eh oui, bravo, c'est une photo que tu peux... Ah, ça, j'adore ces trucs-là. Ouais, ouais. J'avais ça dans les Spider-Man aussi, j'avais tout platiné. T'es en train de choper le virus du gaming, quoi. Ah, ouais. J'ai l'impression. Je me sens un petit peu mal, et en même temps, je me sens bien. C'est ça. Le virus du gaming. C'est ça. La culpabilité solaire, mon pote. Elle arrive. C'est ça. Elle arrive. Mogri. Ouais, alors, bah, je suis désolé, ça va être un jeu vidéo mais aussi. Non, mais attends. Donc, c'est 100% gaming. Gaming, gâchette. Ouais. Alors, je vais le contrer en faisant deux, je vais recycler deux trucs dont j'ai parlé récemment, je suis désolé. Le premier, c'est le film Chungking Express. Je l'ai en tête en ce moment. Oh, je vais le revoir et c'est un film que je trouve magnifique. J'ai et eu que la chance de le découvrir au cinéma récemment et j'ai trop kiffé. Oui, il est passé. Je l'ai raté. Ouais, je l'ai raté. Je suis un peu dégoûté. Mais parce que c'est un film qui me fait. Donc, film de Wong Kar-wai qu'il avait tourné. C'est presque un film phase B qu'il a tourné pendant le tournage d'un autre film. Et, enfin, ou en marge de ce tournage et qui est un film qui se passe autour des Chungking Mansions c'est un énorme pâté de maisons qui est presque une ville à part entière au milieu de Hong Kong. Okay. Et tu suis deux flics et leurs petites histoires d'amour, ces deux flics qui viennent de se faire larguer et tu les suis l'un puis l'autre hein. c'est pas entrecroisé okay. même si ça se passe au même endroit et qui se croisent un peu littéralement mais t'as le focus sur l'un puis sur c'est l'autre. Un gars une fille un peu c'est un gars en fait c'est littéralement un gars une fille en fait c'est un gars une fille quand ils sont à Hong Kong okay. ce qui a été un vrai arc il y a la scène où effectivement il oublie de relever la luvée de la oui c'est ça la luvée des toilettes ouais. Et ça avec la lumière de c'est poignant Kappa, c'est poignant c'est poignant non mais ouais c'est juste ça il y a un truc avec des voilà le premier qui décide de tomber amoureux de la première personne qui va croiser dans ces Chungking Mansions et c'est une meuf qui en fait est liée à du trafic de drogue très okay. certainement et le deuxième qui tombe plus ou moins enfin qui t'es se laisse pas en train de spoiler t'es pas en train de spoiler ah, non ça c'est vraiment ce truc et le deuxième c'est une amourette avec enfin quelqu'un qui se laisse un peu porter par des sentiments naissants avec une meuf qui croise régulièrement okay. dans une espèce de cafette et c'est super beau c'est ouais, tout faut, le cast le les tiens. Acteurs et les actrices ils sont trop beaux tout le monde c'est presque comique tellement tout le monde est beau dans ce film je trouve et voilà donc c'est un film qui moi me fait vachement de bien il y a une espèce de ouais. truc très 90s c'est très ça va aller enfin très pop je sais pas trop comment dire mais qui me rappelle vraiment cette ambiance de cette époque et tout c'est ben un ouais. film qui date de 94 96 peut-être ouais 94 ouais, ouais. et donc ouais il y a je sais pas c'est super beau voilà bon j'adore ce film et je l'avais en tête en ce moment donc j'en parle et sinon je retombe sur du gaming 100% gaming yes. Un yes. jeu dont j'ai parlé aussi récemment qui... c'est ce qu'on dit dans le gaming yes yes man yes manette un jeu qui je pense oh. justement peut... ouais si si bien sûr un jeu qui peut plaire à des gens qui jouent pas tant que ça je pense okay. mais qui peut plaire aussi à des gens qui à des gros gamers. Je fais le signe du gaming hein, avec bien sûr avec les doigts. Ouais. Qui s'appelle Many Nights a Whisper. Ah, c'est un. Je l'ai... Ouais. Tu l'as. Oui. Je me dis ça pouvait te plaire ça. Je me suis dit bon, peut-être bon si je me relance sur Twitch, ouais. Pas mal. Ouais, oui, je pense. Ouais. Vas-y, c'est quoi ? C'est un jeu donc il déjà. Il a c'est vraiment un... pitché dans le Cozy Corner ouais, par ouais. contre. Hein. La fronde là. Ouais. Pardon. Bah, tu vas voir. Vas-y, repitch. Non, mais il n'écoute rien de ce que j'ai dans le Cozy Corner. J'ai tellement d'informations à processer. Il me tardait cette émission pour que tout le monde le voit. Merci à vous voilà. d'avoir mis ça en place. C'est une intervention en fait. C'est ça. Écoute ton pote. Ouais, c'est un jeu qui dure en tout et pour tout à peu près 2 heures. Ah, donc, okay. donc déjà, c'est pas trop le truc qu'on a en tête généralement quand on parle de jeux vidéo, de trucs. Ouais. Ça, j'adore moi ouais. déjà. Un jeu très court et qui dure 2 heures et qui d'ailleurs ne coûte pas très cher non plus. Donc si vous vous dites ah, je vais pas payer des milliers et des cents pour jouer 2 heures, non, c'est bon, le jeu coûte pas très cher. Et c'est un jeu dans lequel on incarne une meuf qui est. qui s'appelle la Dreamer. C'est, le jeu n'est pas traduit en français. Donc la rêveuse, dont tu comprends vite que le principe est de... Et c'est une personne qui a une mission presque, une mission spirituelle, quoi, et qui est de récolter des vœux de personnes pendant toute une période pour ensuite tenter d'envoyer un projectile avec une fronde spéciale dans une énorme vasque qui est loin. Et elle n'a qu'une chance pour faire ça. C'est-à-dire, c'est son but dans la vie à cette personne de récolter des vœux puis de tenter ce tir-là, sachant que le jeu dit que tous les vœux que tu as acceptés, tu peux accepter ou refuser les vœux des gens. Tous les vœux que tu as acceptés, si tu réussis ton tir, ils seront exaucés. Mais tous les vœux que tu as acceptés, si tu rates ton tir, ça n'arrivera jamais dans la vie des gens. Ah oui, okay. Donc grosse responsabilité. Donc, grosse responsabilité. Et c'est un jeu qui parle de ça, en fait. Qui va te laisser d'abord, dans un premier temps, écouter des vœux de différentes personnes. Tu vas pouvoir choisir de les accepter ou pas. Et ensuite, et en même temps, tu vas t'entraîner aussi avec ta fronde, parce que tu as un petit gameplay de tirer avec ta fronde et tout. Et tu as plein de vasques un peu partout, de plus en plus loin, qui t'aident à comprendre comment ça marche, la physique de la fronde et tout. Pour à la fin arriver sur un truc où c'est un tir unique, et le jeu vraiment t'empêche de faire des astuces de sauvegarder avant pour réessayer si tu rates ou pas. Et en fait, c'est super intéressant, je trouve, parce que ça te met dans une position assez inédite qui est pas de ça. C'est traditionnel dans le jeu vidéo des choix moraux, de genre qui je laisse vivre ou pas, tout ça. Là, c'est pas ça. Ça te met dans une position où tu dis de qui j'accepte d'endosser la responsabilité du vœu. Et je trouve ça super malin. C'est très chouette comme expérience, quoi, je trouve. Voilà. Et moi, c'est une expérience que j'ai adoré faire une fois. C'est-à-dire, tu fais le truc, tu réussis ou pas ton tir, et après, tu laisses comme ça, quoi. Et moi, j'ai adoré le faire comme ça. Tu peux évidemment le recommencer. Alors que t'as raté le tir. Alors que j'ai raté le tir. Ouais. Mais il y a un truc assez cool là-dedans, je trouve. Et voilà, Many Nights a Whisper. Et il coûte 2,99€. Ouais, c'est ça. Ouais, le seul truc, donc, c'est que, en tout cas, à l'heure où moi je l'avais fait, je crois pas que ça ait changé. Il n'est pas en français. Donc, si vraiment vous avez du mal avec l'anglais, il est en anglais, en espagnol, parce que c'est un jeu espagnol à la base, et peut-être d'autres langues, mais pas français. D'accord. Voilà. Okay. Bon, c'est noté en tout cas. Écoutez, c'est la fin de cette émission. J'ai l'impression. Dernier petit tour de table quand même. Déjà pour savoir d'où vient de Seine-et-Marne, selon toi. Oui, c'est vrai. 77. Alors, après tout ce que tu as analysé, fait qu'ils prennent en photo les portables des gens, ce genre autant de choses. Pour moi, ça, c'est des trucs de mecs, on va dire, autour de Shell. J'ai dit autour. Dans le même département que Shell. Là, on est sur une méthode de voyant là. Ouais, plutôt pas du tout, rien à voir. Là, je vois une femme. Un homme. Non, moins loin. Ouais, bien sûr. Moins loin que moi. Donc c'est pour ça, tu vois. Alors que c'est évidemment un gars de Noisy. Oui, mais c'est. Ah merde, ça j'ai tenté. Non, ça c'était sûr que non. Évidemment que non. Non, j'aurais dit, c'est vraiment tout ce qui est Manille-le-Hongre, Emerinville. On s'approche, mais c'est toujours pas, non. Ouais. C'est du simple, hein, c'est du simplet, hein. Ah ouais, ah d'accord, c'est Lagny-sur-Marne alors. Non. Ah d'accord. Quand tu dis, je peux deviner, c'était pas du premier coup, du coup, après, quand tu disais que tu pouvais deviner, c'était pas du premier coup. Finir par deviner, c'est ça qu'il voulait dire. Qu'est-ce que tu as dit? C'est-à-dire quand. Non, j'étais en frontière Montévrin-Séris. Ah d'accord, mais j'étais pas loin. T'étais pas si loin. Non, j'étais pas loin. T'étais pas si loin, avec une préférence, puisque c'est là où vivait ma première vraie histoire d'amour, à Crécy-la-Chapelle. Très joli petit coin, au fin fond de la Seine-et-Marne, très jolie petite ville que j'adorais, où j'ai passé des très beaux moments. Donc j'ai adoré la Seine-et-Marne aujourd'hui. Hein? À laquelle tu fais un big up aujourd'hui. Je lui fais un big up pour pas qu'elle écoute. Ah, je parlais de la ville. La ville, oui. Mais je veux pas qu'elle écoute non plus. Non, mais ouais, moi j'ai adoré la Seine-et-Marne. J'ai adoré parce que vu que j'étais un vrai campagnard, un PNQ, mais aussi un cutéreux, un campagnard, c'était le bon glissement jusqu'à Paris, parce que là c'était encore une ville avec des bonnes zones indus, faut prendre la voiture pour faire un truc, et en même temps il y avait Paname pas loin. Exactement, donc, c'est un bon sas. C'était un très bon sas. C'est marrant parce que moi j'envisage parfois justement de faire le chemin inverse. De me dire, comme je suis trop dans Paris et que j'aime pas, de me dire, et pourquoi pas le 7-7 en tant que 7-7, sas vers la campagne aussi il y aurait un côté un peu plus campagne, et en même temps je serais pas bon. 7-7 j'attends que tu sois maire de Logne. J'attends que tu sois maire de Logne. Je suis très longtemps à Logne, j'allais beaucoup à Logne, bien sûr. J'ai fait des tours de lac à Logne. Le KFC de Logne, il me connaît par cœur. Le KFC de Logne avait fait un truc très gênant à une époque, à savoir connaître en avance le menu que j'allais prendre tellement j'y allais. Ah, ouais. Ah oui, donc Towerzinger, Fritter. Ah, ouais. Ah, oui, oui, ah ouais, comme l'équivalent du pilier de bar qui commande plus. Exactement, ouais, à côté, ouais, face, ouais, au laser game. Ouais. Voilà, oui, tout, mais tout à fait. Mais oui, bien sûr, mais j'adore l'ogne. Ouais, moi, t'as dit, j'adore l'ogne. T'as dit lac et laser game. C'est, j'ai envie d'y aller, quoi. Ouais, bien sûr, je faisais mes courses autant que frère. Ça m'a... Mais oui, voilà, oui, mais oui, en plus, il y a ça. Mais la vie est belle là-bas, c'est la vie douce. Mais ça a l'air. En fait, quand t'en parles, je me dis. Pourquoi pas? Mais oui, et pourquoi pas? Évidemment, oui, oui, oui. Évidemment. Et oui, parce qu'il y a des résidences là-bas. Et, mais oui, il y a de la jeunesse, mais en même temps, il y a de la sagesse, ouais, d'expérience. Non, mais c'est vrai. Hey. Hier, je vous jure que c'est une vraie histoire. Vas-y, vas-y, vas-y. Hier, je discutais avec une personne qui, pour vivre, doit vendre un certain nombre de substances illicites. Ok, d'accord. Et je les identifie, tu sais, à l'ogne, on sait, bon, ben là, c'est moins les pompiers. Bonne pub pour, moins bonne pub pour la vie. Là, c'est les trucs. Et puis là, bon, ben, c'est les gens qui vivent un petit peu dans la street, de la street, plutôt. Et il me demandait, ben, alors, comment ça va, toi, et tout. L'ancien. On se connaît un peu. Oui. L'ancien, exactement. Comment ça va, tonton? Et je lui dis, bah écoute, moi la vie est belle, etc. Il me dit, mais toi tout le temps, tout va tout le temps bien et tout. Je lui dis, bah ouais. Alors dans ma tête, je pensais, ouais, putain, demain je vais aller au Floodcast et tout. Donc c'est vrai que j'avais la banane. C'est vrai que j'avais la banane. Mais il me disait, mais en même temps, tu sais quoi, nous à l'ogne, c'est vrai qu'on est plutôt privilégiés. Il y a plein de problèmes partout en, oui, France, c'est clair. La dans drogue le monde, et tout. Il y a, oui, plein de problèmes. Mais à l'ogne, on est un petit peu épargné parce qu'on est dans ce climat, bah, où tout le monde veut vivre dôme ensemble. Aussi, le dôme de l'ogne. Au climat et à notre dôme et, de fer. Oui, c'est ça. C'est, ouais, ça. Bah, une, oui, politique de frontière vraiment très, oui, mais, très drastique. Mais on est obligé. Mais qui, ouais, fait ses preuves. Mais qui fait ses preuves. On parle quand même au futur maire de l'ogne. Oui, oui, oui. Je veux être maire de l'ogne. Ça va arriver. J'attends ça, moi. It's gonna happen. Parce que voilà, moi peut-être si je finance ta campagne, tu me trouves un petit. Mais maison, évidemment, quoi, gars, tu te plais bien, mais ça va être l'entrisme. Et voilà, pire que dans le rapport de les premières. Pire que la, ouais, situation, tu veux dire, avec ça. Qui est apparemment affilié aux frères musulmans. Oui, exactement. Voilà, mais comment... je l'avais vu, moi. Mais c'est quoi, ouais, ouais, ouais, je l'avais senti. Ouais, je l'avais senti, hein, c'était, ouais, évident. Ouais, ouais. Évident. Vous réécoutez l'épisode, ça s'entend chaque seconde que Dieu fait. Évidemment, on plaisante. Évidemment que non, la pauvre. Terrible, on lui envoie, voilà, énormément de force. Peut-être, oui, arrêtez de la harceler. Peut-être. Oui, peut-être. Surtout si vous êtes politicien, ouais, ou politicienne. Ouais, ouais, ouais, peut-être. Vraiment. Peut-être. Vraiment. Ah. Donc, avant que tu rejoignes la mairie de l'ogne, ouais, le Cozy Corner que vous faites, ouais, ensemble. C'est ça. Tu fais aussi jour de play, mais un petit peu jour de play, ouais, tous jour les mois. De play. Ouais. Vous, ouais, qu'est-ce, ouais, que vous faites d'autre? Vous pouvez vous retrouver où en ce En stream sur la chaîne. C'est vrai, vous streamez. Putain, ouais, ouais, vite, ouais, fait. Alors ces derniers temps, j'ai pas pu parce que j'avais plein de trucs à faire, mais effectivement, ouais, petite chaîne sur Twitch, on stream. Alice Blaze, toi, Alice Blaze, ouais. Ouais, Blaze, B-L-A-Z-E, ouais, Alice Blaze. Et puis vous streamez sur la même chaîne Twitch ou pas? Pendant longtemps ça a été le cas, ouais, okay, et maintenant moi j'ai plus le temps de. D'accord. J'ai plus le temps et plus d'appartement qui me permet de streamer. Ok, pas, d'accord. Ouais. Donc, et autrement, mais des fois, et d'autres trucs avec Kevin, mais peut-être tu veux... Oui, bah pareil, Cozy, ouais, Corner, et à côté de ça, Origami, qui est un média oui, sur le jeu vidéo principalement, mais pas uniquement, mais quand même principalement jeu vidéo, et auquel Mehdi participe plus occasionnellement, mais ça t'arrive récemment, enfin depuis quelque temps, on essaie de régulièrement streamer ensemble dessus, et voilà. Voilà, ouais, c'est les deux trucs qui m'occupent en ce moment. Sublime. Mmh. Eh ben écoutez, trop bien. Nous, il reste... T'es que j'ai regardé, hein, il reste deux émissions normales. Oh là là. Et après, il y a les trois lives. Hein, et après, la petite... On va faire une petite émission à la fin quand même pour, ouais, dire au revoir, ouais, à tout le monde. Mais voilà, ça il y a va... la petite saison bonus dont vous nous aviez parlé aussi. Sur Patreon, oui, bien, voilà, sûr. C'est ça, à 40 euros par mois. Non, mais ça, on l'a pas encore annoncé. Ah non, ouais, non. En revanche, et putain, j'aurais dû le faire en début d'émission. Il y a du merch. Ah ouais. Mais est-ce qu'on ferait pas un petit, tu sais, comme on avait fait un petit pré-roll, on va peut-être faire ça. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, bon, maintenant si vous écoutez, on a ressorti du merch Floodcast les sempiternels fond noir avec petit logo blanc sur les pulls. Le merch de base, le voilà. Le merch de base sur les casquettes, casquettes brodées, sweat. Ariane Brodier. Aussi. Ariane Brodier également. C'est bon ça. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. C'est bon ça. Et pourquoi pas. Je le dis. Et pourquoi pas. Et on a sorti aussi plein avec Clément de chez Trafic. On a sorti des casquettes sur plein de coloris. Ouais. Donc, qui sont, je les adore toutes. Qui sont sublimes. Et alors, en plus, j'en profite si vous écoutez Podcast TFTC. J'ai vu que du coup sur le site, en même temps, il y a aussi du merch si vous voulez faire une pierre plein de coups. De TFTC. Ouais. Qui est très beau. Ouais. Qui est assez joli. Qui nous humilie en vrai. Et que même si vous n'avez rien à foutre ou vous l'aimez pas, Le merch est sublime. Donc vraiment, voilà. Sentez-vous libre. Ouais. Mais alors, c'est mais pas du merch Potias, hein, je précise. Non, ouais, non, quand même. Mais non, non, mais dans voilà, la chair, c'est plus notre logo. C'est plus notre, ouais. Notre logo. Oui, c'est vrai. Mais il y a du merch origami aussi en même temps en ce moment même. Oui, avec ouais, c'est trafic, toi qui d'ailleurs. Nous avais branché. Ouais, ouais, bien sûr. Je suis tout. Un facilitateur en fait. Bah, oui, c'est clair. Et ce matin, j'ai croisé une meuf avec une casquette Floodcast. J'ai pris ça comme un signe en prenant sublime. Le métro, une casquette de bah ça plus l'odeur de merde dans la rue, c'était deux signes énormes ouais, ça, pour arriver jusqu'à nous. Et bah ouais. Les casquettes en velours sont aussi ouais. À nouveau en vente. Voilà, il y a plein de coloris super jolis que on a. Et les, voilà, les on a, nouvelles là, on est trop oh, ouais, je les adore. Donc voilà, c'est malheureusement trafic. Je ne porterai jamais une casquette de mon propre truc, mais j'aimerais bien. Pourtant, t'as un t-shirt Golden Moustache. Alors c'est on vrai. En parle. Donc voilà, tout est dispo pendant 30 jours en précommande et comme ça après vous le recevez. Donc et pardon, putain, là ça y est, c'est le vas-y, commercial. Vas-y. Hein, mais si vous venez à la salle Playel, vous n'êtes pas obligé de précommander parce qu'il y en aura à la salle Playel. Parce que j'ai reçu des messages ouais. Déjà. Oui, alors ça sera pas non plus un stock illimité à la non. Salle Playel. Donc il faut prendre un petit risque. Il y en aura trois en fait, trois de chaque. Voilà. Il y en aura un peu du merch de mais base. Non, mais de toute façon, ça s'est lancé le 26 mai. Donc quoi qu'il arrive, si vous allez à la salle Playel et qu'il n'y en a pas, il vous reste deux jours derrière c'est vrai. Pour commander sur internet. Et tout a été pensé, vous voilà. Entendez. Et normalement, il y aura aussi du merch. Exclusif à la salle Playel, mais ça, c'est... chut. Voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup les gars. En tout cas, c'était trop ouais, cool de retrouver. Merci à vous. Alors, non, merci à vous. Le Cozy ouais. Corner, vous n'hésitez ouais. Pas. Nous, on arrête de toute façon. Donc, allez écouter le Cozy Corner. Ouais. C'est très marrant. Et moi, d'ailleurs, faire, à ce propos, donc oui, super l'accueil, etc. J'ai vu que parce que nous, en fait, on va repartir avec les micros. Il vous reste ouais. Trois numéros. Et j'ai vu qu'on mettait pas de dessous de verre en dessous les tables parce qu'on repart aussi avec la table. On repart avec tous nos assets. On ah oui courant, d'accord ah, ouais. C'est donc, chez Florent donc moi ça me dérange peu. Ouais. Merci moi beaucoup. Faut jouer avec ma meuf. Mais je reviens ouais, à toi. Je reviens à toi très vite. Je crois qu'elle aimait bien cette table pour déjeuner par exemple. En tout cas merci beaucoup, ouais, merci beaucoup. Pour ah, tout ce cool, que le podcast a fait pour le Cozy Corner. Ah bah ouais, non, ouais, du tout. Avec grand plaisir. Et en plus aucun complexe d'imposteur à l'idée d'avoir été invité aux côtés jamais. De Géraldine Nakache ou tout ça. Et ça c'est super cool. Tranquille. Ça j'ai trouvé ça super cool. On la joue vraiment très tranquille de ce côté là. On a reçu des gens très connus et c'était parmi les pires épisodes qu'on ait fait. Donc vraiment il y a vraiment aucun complexe. Allez, salut tout le monde. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.